Le débat, Léo. Ça, c'est Radio Gémozo. Et c'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir à tous de nouveau sur RGM. Il est quoi? On est un petit peu en retard, il est 20h01 et 25 secondes. Vous êtes ici chez vous pour parler de tous les sujets qui vous intéressent. C'est le débat des hauts, comme toujours avec notre ami Julien. Hello. Notre ami PJ. Bonsoir. Et ce soir, notre ami... Rappelez-moi. Oui, c'est Lou, c'est Lou, elle est très connue. Voilà. Alors, c'est une animatrice vedette de la fréquence. Voilà, il paraît. On t'a écouté la dernière fois qu'on est venu parce que ça tombait juste avant l'horaire de notre émission. Ce soir, t'étais pas en direct? Non, il y avait un replay? Non, c'était une émission que j'avais déjà enregistrée. D'accord. Avec Aurélie Barre. Donc, si tu nous écoutes, Aurélie, bonsoir. Voilà. Lou est passé de l'autre côté de la vitre, en ouais. fait. Ouais, ça change. Bon voilà, donc ça va être son casting pour l'émission Le Débat des Hauts. Mais j'ai aucun doute qu'elle va passer allègrement ce petit test. Alors, que dire pour ce soir? On a un super programme. On a, par contre, là j'entends ma voix en écho. Alors je sais pas. C'est... alors oui, ce soir, le sujet, les religions. Les religions. PJ, on a dit qu'on allait commencer à parler d'un truc tout bête. C'est que sur Terre, il y a des milliards de personnes que la religion aide, on pourrait dire aide à vivre, ou sert de guide de vie. Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça m'inspire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est une réalité. Je pense que beaucoup de gens se lèvent le matin plus facilement en ayant une idée religieuse que si elles n'en avaient pas. Je pense que ça sert aussi de d'aide à savoir ce que l'on veut faire dans la vie, à avancer, à avoir un truchement, une communication avec les autres, à avoir de l'espoir. C'est des mots qui sont souvent rattachés à la notion de religion, l'espoir. Donc voilà, c'est des choses qui sont quand même très très utiles. Donc... C'est quand même, là on commence tout de suite à rentrer dans ce qu'on appelle quand même la spiritualité, c'est quand même du domaine de la spiritualité, le fait d'accorder de l'espoir à Dieu, ou à un ou plusieurs dieux. Alors voilà, déjà on va peut-être, comme souvent dans notre émission, on va planter un décor un peu historique, un peu théorique sur les sujets de façon très pragmatique et très profane. Est-ce que vous avez un peu potassé le sujet avant cette émission? Je suppose que non. Alors, moi... Il rentre de vacances, hein. Et moi, j'étais offline, là, ça fait 10 jours. Je suis offline, hein. C'est bien, comme ça, tu vas prendre le sujet avec beaucoup de recul. J'ai ouvert ma boîte mail l'autre jour. Ouais, plus tard. Ouais. Non, mais en plus, on n'a pas échangé trop avant l'émission. Mais malgré tout, en termes historiques, est-ce que dans les hommes des cavernes, on va commencer l'humanité au niveau du stade homme des cavernes, est-ce qu'à l'époque de l'homme des cavernes, on avait déjà des croyances de type religieux? Bah, si on regarde tous les dessins, les peintures rupestres, les grottes, ouais. Voilà, les peintures rupestres, l'homme avait de l'espoir. Donc il voulait donner un sens aux choses qu'il pouvait constater. Et c'est peut-être ça qui a fait la création du fond de la religion. Le fait de voir des animaux qui allaient d'un point A à un point B, pourquoi? La lune qui se lève dans le ciel. Oh, une éclipse. Qu'est-ce qui se passe? L'homme a toujours voulu comprendre. Et la religion, c'est le miracle. D'un coup, t'as plein de réponses. C'est comment ça se fait que le soleil se lève? Pourquoi il y a une lune? Pourquoi il y a des animaux? Il y a un gars, il y a des gars plus malins que les autres qui ont dit... Alors, c'est Dieu. Enfin, c'est une entité. C'est une entité, oui. Ou des entités. Une ou des. Mais alors, parce que c'est un sujet qu'on avait mis très loin dans la liste des thèmes qu'on allait aborder ce soir. C'est la science. On en parlera après. Mais est-ce que ça serait justement le moyen à des civilisations qui n'ont pas accès à la science de mettre des réponses à des questions fondamentales qu'elles n'avaient pas forcément? Mettre des réponses à des questions. On s'en fout qu'elles soient bonnes, mais elles répondent à une question. Pourquoi le soleil se lève? Faut pas chercher. Bon, ils essayent de rendre le truc plausible. Bon, à part le gars qui marche sur l'eau ou de. Non, mais globalement, c'est quand même une réponse à une question. Donc, on essaye. Enfin, la réponse, elle coïncide avec la connaissance du moment. Donc, à une époque, la connaissance était faible. Donc c'était facile. Maintenant, c'est sûr que justifier la religion au XXIe siècle, c'est plus dur, vu la connaissance des choses, que à la protohistoire, avant l'Antiquité, à l'époque de l'homme des cavernes. Là, il y avait tellement peu de réponses aux choses. Comment ça se fait qu'il y ait du feu? Comment ça se fait qu'il y a des éclairs? Comment ça se fait qu'on est là? Ça, ça existe toujours comme question. Comment ça se fait que quand on laisse tomber quelque chose, il tombe? Tout bêtement. Bon, avant l'apparition de l'écriture, on n'a pas vraiment de traces de... Il y a des dessins. Il y a des créations. Mais est-ce qu'on les considère comme du domaine religieux? Je pense que est-ce que la religion n'est pas arrivée au moment de l'écriture? Parce que c'était quand même la première grosse invention humaine. Non. C'est précédent, et j'ai deux choses à rajouter par rapport à ça. C'est que dans beaucoup de cultures primitives, on a la notion de Gaïa, la mère terre. Donc en fait, on voit, et puis on nomme avec différents noms suivant les religions, la lune, le soleil. Voilà, grosso modo, la terre, la lune, le soleil. C'est des choses qui reviennent toujours. Et plus que le mot expliquer, je pense que ce qui est plus, c'est le mot rassurer. Oui, parce que je pense que pour ces hommes-là, c'était perturbant. Ils regardaient, ils voyaient des choses qui se passaient et expliquaient peut-être pas tant que ça, parce que je pense qu'ils étaient assez, assez souples pour penser que c'était quelque chose qui les dépassait et que de toute façon, bah, ils pourraient pas comprendre. Mm-hmm. Mais par contre, il fallait qu'ils soient rassurés. Mais t'as raison. Voilà. Quelque chose qui dit, comme je suis rassuré, je peux fermer les yeux, m'endormir au fond de ma caverne en disant, il y a un danger de moins. Il y en a déjà assez comme ça à gérer, donc si je peux me raccrocher à de l'espoir, on retourne au mot espoir qu'on a dit tout à l'heure, c'est quand même drôlement intéressant. Si calmer j'ai enfin les angoisses, cultures, bah ouais. Calmer les angoisses, ouais. Avant l'écriture, il y avait quand même des communications entre les peuples, on le voit très bien. Donc de toute façon, les peuples communiquaient et ils s'intéressaient à survivre. Donc pour survivre, il fallait avoir des cultures, puisque les cultures, de plus en plus, on se rend compte qu'il y en a eu avant de la culture agricole, avant l'écriture. Et voilà. Est-ce qu'on peut dire aussi que du coup, ça fait... Enfin, est-ce qu'on peut clairement dire que la religion est le premier stade de structuration d'une société humaine? Ça ne peut être qu'un avis personnel, mais personnellement, oui, je pense que c'est précurseur de... Historiquement, ouais. on a franchement des traces qui nous disent que oui. Tout peuple, toute civilisation avait sa religion. Mais elle structurait. Donc il y avait toujours. En fait, elle structurait à la fois la vie des croyants et. Je pense aussi pire que ça. Elle structurait la société. On peut limite dire que ce qui a fait que les gens ont commencé à se réunir dans des groupes tribaux, c'était le fait de partager des croyances en commun. Donc si on part de ce principe-là, c'est que les premières villes ou bourgades créées étaient faites autour des temples pour mettre à l'honneur les fétiches ou les religions païennes qu'il pouvait y avoir à l'époque. Les idoles. Les idoles, ouais, voilà, exactement. Et donc, du coup, il y a un lien clair, oui. Il y a un lien clair entre les deux. Et ouais. Je vous l'avais dit que c'était un sujet compliqué à gérer. Je pense que dire que la religion structure, oui... Et non, oui, elle va structurer parce que comme elle est, comme elle apporte toutes ces explications qu'on veut avoir, ces explications qui rassurent, mais des explications quand même, elle tente à contrôler. Et du coup, ça crée une structure. Sans la religion, il y aurait quand même une structure parce que les gens sont regroupés peut-être parce qu'ils croyaient des choses en commun, mais aussi pour pouvoir se défendre en commun, se défendre contre les éléments, contre la faim, aller se nourrir très rapidement, les gens se groupent. L'homme a naturellement plutôt, sauf quelques exceptions, mais les hommes ont quand même tendance à ne pas trop aimer être seul. La majorité des gens ont envie d'un peu de compagnie. Donc on se regroupe déjà pour mais ça. C'est on se regroupe aussi pour la nourriture, pour se défendre de l'extérieur. On est une espèce qui vit en meute, enfin en... Mmh. Oui, voilà. On vit en meute. En groupe sociaux. Voilà. Groupe sociaux. On va pas parler de meute, on va parler plutôt de groupe sociaux, mais finalement c'est la même chose. Non mais pour faire le parallèle avec le monde animal. Mmh. Moi je suis souvent... on va revenir aux fondamentaux, on est des animaux... Oui mais clairement, on n'est pas un animal solitaire comme peut l'être les félins. Comme peuvent l'être les félins. Après, on peut aussi dire qu'on peut aussi partir que si on a eu des traces d'imaginaire, donc que l'homme était déjà un créatif depuis longtemps et qu'il faisait peinture rupestre, quand il est passé de la chasse, qui était une activité qui lui demandait beaucoup de concentration et qui lui demandait en fait d'être tout le temps dans le calcul pour être sûr de survivre à sa proie et de réussir à avoir la proie à la fin de la journée en faisant des plans d'attaque, on peut se dire aussi que le fait d'être passé à un modèle agricole, lui libérait l'esprit de beaucoup de choses, et que le fait d'avoir libéré, entre guillemets, ce temps de concentration, par des gestes répétitifs à faire pour aller entretenir la terre, semer et compagnie, a peut-être laissé la place et le champ aussi à avoir une réflexion personnelle sur ce qu'il était, ce qu'il voulait, et a laissé la place aussi peut-être à créer cet imaginaire, à formaliser cet imaginaire qu'il avait formé sous forme de dessin, sous forme d'une religion. Ça, mélangé avec le besoin de passer de l'information d'une génération à l'autre, la religion est souvent un vecteur qui permet de passer une information entre X générations. Donc c'était ces deux mélanges, c'est l'imaginaire et la passation de savoir, ont dû, à mon avis, créer les religions primaires. On est à peu de choses d'avoir créé l'art et, ouais, c'est lié, et la philosophie. Oui, c'est lié. Il faut une... bah, de toute façon, il faut une certaine forme de philosophie pour aborder un sujet religieux. Et une ouverture d'esprit, et une communication. Donc, par définition, tout est lié. Donc, je pense que c'est ça. Il y a une maturation à un moment dans le développement de l'être humain qui a fait qu'il était en groupe, il était ensemble, il fallait qu'il survive. La vie était un peu plus simple, il avait son élevage, il avait sa culture. Il voulait passer l'information d'une génération à l'autre, et puis surtout expliquer facilement à ses groupes sociaux des règles communes de vie. Bon, ben voilà. Les prémices étaient lancées pour faire des primo-religions. Après, dans chaque variante... ça a pris des formes différentes, ça a pris des évolutions différentes, parce que bah voilà, le monde est ainsi fait. Et il y a autant de variétés dans la religion qu'il ne peut y avoir d'être humain, d'expression personnelle. Parce que la religion est, ne l'oublions pas, une manière personnelle d'appréhender les choses. C'est personnel, la religion. C'est notre fond. Voilà. Donc voilà, je pense que ça a maturé comme ça. On a un sujet ce soir qui est quand même très complexe à appréhender. Moi, je pense pas que ce soit si complexe que ça, la religion. C'est non, pas facile. C'est pas que c'est complexe, mais il faut quand même réussir à poser des mots sur quelque chose qu'on, de près ou de loin, on est tous concernés. On a tous des craintes, et la religion, quelle que soit... T'as bien vu avec la politique, on a eu plus facile à parler, par exemple, de politique. Alors même, la politique est plus compliquée, à mon avis. Oui. Parce qu'on est sur des gens qui défendent des... Mais on a moins de mal à en parler. On a moins de mal à en parler. C'était une discussion qu'on a eu hors antenne ce midi, et j'en parlais. La religion est quelque chose de plus personnel. Ah oui. Et donc, c'est toujours plus difficile, parce qu'on a tous des idées préconçues en termes de religion, et on a rarement une vue historique et de ce qu'est la religion. C'est deux choses pour moi différentes. Dans l'éducation qu'on a reçue tous, pour ma part, j'ai l'impression que la remise en question et justement l'aspect fondamental de la religion, on l'aborde légèrement en philo sur la fin du lycée. Oui, c'est ça. Avant le bac, mais oui, point barre. Aucunement dans notre culture, on remet en question ou on questionne ce sujet. On le prend comme un acquis, t'es baptisé, donc tu te poses pas de questions, tu vas tout droit. Comme on disait ce midi d'ailleurs, voilà, la religion pour nous... voilà, qui avons des origines plus ou moins catho ou autres, on la voit quand t'es bébé au baptême, quand tu te maries, et puis quand t'es mort, en enterrement. Enfin, c'est vrai qu'on a beau être détaché totalement de notre culture religieuse familiale, on y est confronté de fait sur des moments importants. À des étapes de la vie. Donc, c'est des sujets complexes à aborder. C'est pour ça que je dis complexe. C'est peut-être les mots qui sont durs à sortir parce qu'ils font écho avec chacun des choses assez personnelles. Mais la religion est un cheminement personnel. Ni plus ni moins. On peut parfaitement rentrer en religion à 10 ans comme à 70 ans. Surtout dans les religions européennes. Ça s'y prête énormément. Dans la religion catho mainstream, tes parents te mettent au caté, t'as pas trop le choix. J'ai connu des gens qui en étaient très éloignés et qui ont fait des chemins de vie vers la croix à plus de 40 ans. Hein. Ouais. Qui ont tout recommencé à zéro. En général, la religion, plus on sera... La religion, pour moi, et c'est pas pour moi, hein, je pense que c'est une vision assez philosophique et beaucoup de philosophes, la religion est... intrinsèquement reliée à une question fondamentale qui est extrêmement simple à poser: qu'est-ce qu'il y a après la mort? Mais que personne n'a de réponse. L'ultime question. Pour toi, c'est l'aspect fondamental d'une religion, c'est le questionnement de l'après la mort. Ouais. C'est la cause et l'existence de après la mort. D'ailleurs, souvent, dans une religion, beaucoup d'actions sont liées à l'après. Ouais. À l'après, le paradis ou l'enfer pour les catholiques. Je n'ai plus les termes dans les autres religions, mais grosso modo, dans la plupart des religions, il y a après la mort le choix entre deux ou trois vies possibles. Parce que là, si je dans le catholique, c'est paradis, enfer, deux seulement. Au niveau des musulmans, je crois qu'ils en ont trois. Il y a principalement l'idée que la valeur des actes, et ça c'est valable dans n'importe quelle religion, que la valeur des actes que l'on a dans notre temps de vie, donc dans ce temps accordé où on est un être conscient, sera jugée par une entité, et là donc du coup c'est valable quelles que soient les religions, même jusqu'aux Égyptiens, dans un au-delà. Un au-delà étant quelque chose qui est au-dessus de nous, au-delà. Voilà. Et qu'il faut se comporter correctement, sinon on en payera les conséquences. Alors est-ce qu'il existe, voilà, juste pour qu'on... La notion de châtiment. Non, mais voilà, mais pour qu'on pose bien la chose, est-ce qu'il existe des religions ou des courants religieux ou des philosophies religieuses qui justement ne traiteraient pas de ces questions de l'après ? Eh bien, je ne pense pas. Voilà. Peut-être qu'il y en a. C'est pour ça que ça serait bien ça, l'essence du... Ah, le oui. Dénominateur commun des religions serait le sujet de la mort. Il y a deux types de religions. Il y a deux types. Il y a deux. On peut diviser la religion alors en deux pourquoi types. Pourquoi? Parce que c'est justement ça qu'il faut apaiser dans le chagrin. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être... La peur de la mort, c'est simplement. C'est la peur de l'inconnu. On en revient à la description primaire que j'ai peut-être pu donner tout à l'heure. C'est que, de manière primaire, l'homme a cherché des réponses et en donner. Et que l'ultime question, c'est celle de la mort. Alors, ça fait déjà 17 minutes qu'on se parle. Il est temps d'écouter un petit morceau. Et juste après, il faut qu'on écoute Lou. Moi, j'ai envie de savoir c'est ce qu'on pense de notre on a sujet. Envie d'entendre. On a un super sujet. Je veux savoir ce qu'elle a à nous dire. On se retrouve dans quelques instants après une petite pause musicale. Vamos de mãos dadas fazer acontecer. O futuro é nosso, agora é pra valer. Você me fascina, eu vou te agradecer. Lá com meus camaradas, vou compartilhar saber. Essa é nossa escola, pode aparecer. Ou você colabora, ou você vai perder. Pessoas que querem aprender são pessoas que quero conhecer. Abre a porta, libere o saber. Há pessoas que querem aprender. É para mim prazer, tô de peito aberto pra encontrar você. Vamos de mãos dadas fazer acontecer. O futuro é nosso, agora é pra valer. Você me fascina, eu vou te agradecer. Lá com meus camaradas, vou compartilhar saber. Essa é nossa escola, pode aparecer. Ou você colabora, ou você vai perder. Há pessoas que querem aprender. São pessoas que quero conhecer. Abre a porta, libere o saber. Há pessoas que querem aprender. Le débat des hauts. C'est reparti, nous revoilà. Alors, je vous avoue qu'on entend un petit peu votre ventilateur, messieurs, dames en face, là. Est-ce que c'est mieux ? Pas spécialement. Bon, bah, on l'éteint. On va dire qu'il y a de la friture. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Ah, ouais. Bah, tu vois. Ah, ouais, bah, vous aurez chaud, et puis c'est tout. Alors, allons-y. Donc, nous étions donc en train de planter le décor de notre émission de ce soir sur les religions, le débat des hauts, sur RGM. On était en train d'évoquer, parce qu'on avait un peu de mal à suivre... La mort. Voilà, on avait du mal à suivre notre trame, parce que c'est un sujet quand même qu'il faut plutôt essayer d'aborder sur le ressenti, sur comment on le vit. Donc ouais, on abordait le sujet de la mort, et par rapport à la religion, éventuellement. C'est vrai que la mort, dans l'absolu, ce soir, on s'en foutait. Mais par rapport à la religion. Et on a constaté qu'au bout de 17 minutes d'antenne, Lou n'a toujours pas donné son avis sur notre sujet. Lou, les religions, qu'en penses-tu ? Qu'en dis-tu ? Comment le vis-tu ? Comment qu'as-tu à nous dire là-dessus ? J'ai 4 heures. Tiens, 2 minutes, ça sera déjà bien. Ça sera pas évident, mais non. Non, déjà, je vais revenir un petit peu sur ce que je crois que c'est JP. PJ. PJ, ouais. PJ, voilà, j'étais dans le mauvais sens. Sur l'origine des religions qui, en effet, répondent probablement à des questions, et je suis d'accord sur le fait qu'il y a des traces quand même qui prouvent que. Je préviens aussi les auditeurs, hein, j'étais un peu prise au dépourvu pour participer à l'émission, alors je sors les rames. Il n'y a pas de souci. Non, mais on a eu un désistement de dernière minute, on a dû improviser, on avait un invité au départ, mais c'est parfait, je pense qu'on n'a pas perdu en qualité, on a un très bon invité malgré tout, merci d'être avec nous. Comment vois-tu alors du coup le propos de PJ, tu étais en train de nous dire Ce qu'il disait, c'est que ça répond à certaines questions qu'on se pose, à certaines angoisses, parce que c'est vrai que s'il y a une chose, ça on le disait juste avant, ça répond à l'ultime question, parce qu'on n'en connaît pas beaucoup dès qu'ils sont allés de l'autre côté et qu'ils sont revenus pour dire comment ça s'est passé. C'est pas comme, je sais pas, partir en vacances à l'étranger, on sait rien, on sait pas ce qui se passe, et en plus maintenant, des personnes qui sont passées de l'autre côté et qui sont revenues, il me semble qu'il y a quand même des témoignages assez différents, donc en fait l'approche est assez différente et assez personnelle, et c'est vrai que la religion répond à des questions. Après, il me semble, hein, vous pourrez toujours m'arrêter si je me trompe, que les premières religions étaient vraiment basées sur la nature, ce qu'ils avaient sous la main. Et après, je sais pas si... Je peux pas dire si je suis d'accord ou pas avec ce que disait PJ sur le fait qu'ils se sont rassemblés, ils sont d'accord, mais sur le fait que ça a structuré en fait des sociétés, en effet, je suis d'accord, parce que ça rythmait déjà d'une certaine façon la vie tout au long de l'année, la vie aussi des personnes en elles-mêmes, et certaines, si même pas certaines, je pense toutes les religions sont devenues un guide du « il faut faire ça, il faut pas faire ça », alors avec, c'est vrai, l'épée de Damoclès, si tu te comportes pas bien, tu finiras là où t'as pas envie de finir. Guide de vie. Ouais, le guide de vie, mais la notion en effet, mais il y en a beaucoup qui le voient encore comme ça, que c'est vraiment un guide. Du moins, moi, je vais finir peut-être par parler de la religion que je connais le mieux, de celle que j'ai le plus approchée il y a un certain temps. Mais c'est vrai que ça permet de délimiter certaines choses. Comment est-ce qu'il faut gérer sa famille? Comment est-ce qu'il faut vivre en société? Et ça peut être un cadre. Ça peut être un mode d'emploi. Voilà, un mode d'emploi pour la vie, tout simplement. Et voilà, encore une fois, ça répond à certaines questions, certaines angoisses qui ont été reprises en philo, comme il le disait. Et moi, j'ai beaucoup aimé la version de... C'était Épicure, hein, j'essaie de déterrer des souvenirs de philo de terminale. Où tant qu'on est en vie, la mort n'existe pas, et une fois qu'on est mort, donc que la mort est là, c'est nous qui n'existons plus, alors balèque, quoi. J'aimais beaucoup cette approche d'Épicure, enfin voilà, et... Oui, vous avez raison, c'est un sujet qui peut faire parler pendant très longtemps. Tu vois, très personnel. C'est bon, une fois que tu m'as lancé, c'est fini. Non, mais voilà. Non, mais c'est vrai, c'est toute la difficulté du sujet, mais c'est bien, on va s'en sortir, j'en suis certain. Tout simplement parce qu'il faut accepter de parler un peu par rapport à ce qu'on ressent et les idées qu'on peut avoir. Parler de soi, il faut donner un peu de soi. C'est le sujet le plus, le moins facile, enfin pour nous en tout cas, essayer d'en faire un débat, pour réussir à avoir quelque chose de neutre. Voilà. D'être assez neutre pour permettre d'en parler. C'est voilà, parce que la religion est fondée à l'être. Sur et donc, le perso. Ouais. Au personnel. Dès qu'on aborde des sujets comme ça, de toute façon, si on ne se livre pas un petit peu chacun, on arrivera à un truc assez lisse et assez plat, sur lequel il n'y aura pas vraiment de réaction mutuelle entre nous. Mais parce que tu as évoqué brièvement que tu allais éventuellement dans la soirée nous parler d'une religion sur laquelle tu es proche, parce que tu es proche d'une religion et tu as envie de le revendiquer. Comment tu... Alors non, moi je suis pas, j'ai pas de religion à proprement parler, ouais. Mais il y en a une que j'ai connue d'assez près. Après maintenant, ma vie en ce qui me concerne, je la vis beaucoup plus au jour le jour et moins sur toutes les angoisses, parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'Épicure disait en fait, tant qu'on Carpe est diem. Vivant, voilà. Carpe diem, en effet. Mais c'est vrai qu'il y a une religion dont on entend beaucoup parler et qui peut faire beaucoup débat. Et bon, si jamais vous avez des questions, je peux toujours y répondre. Il s'agit des Témoins de Jéhovah, quand même, que j'ai approché. J'en ai fait partie quelques années et j'y suis entrée parce que je me posais aussi des questions existentielles. Je crois que ça a commencé à 12 ans. Et puis après, au fil du temps, je me suis rendu compte que ça convenait plus trop à ce que je pensais, à ce que je croyais. Et donc, j'ai continué mon petit bout de chemin ailleurs. Je ne sais pas si tu as vraiment envie qu'on s'étende là-dessus ou... Messieurs, qu'en dites-vous ? Moi, je n'ai pas d'avis. Après, je pense que c'est ce prisme-là, ce soir, qui nous manquait. C'est le prisme vraiment religieux, vécu de l'intérieur. Parce que malheureusement, je pense que tu commences à nous voir déambuler à la radio. On est quand même très scientifique, très cartésien. Donc, c'est cette tournure des choses et de ce point de vue un peu plus spirituel, parce que tu as eu le besoin peut-être à un moment d'avoir ces réponses-là, donc en tu effet. T'es tourné là-bas. Ça n'a pas de prix dans un débat comme le nôtre. Clairement. C'est aussi pour ça que ce soir, on devait avoir quelqu'un qui était aussi du domaine religieux. Alors, je ne sais plus exactement... Adventiste. Oui, plutôt du domaine des adventistes. C'est un chrétien aussi. C'est chrétien. C'est pas très éloigné. Pas très éloigné des Témoins de Jéhovah, je crois bien en plus. Alors ça, je sais pas. Un qui est dérivé de l'autre, un truc comme ça, je crois. Bonne question. Je ne saurais pas te dire. Il y a un mouvement issu du catholicisme, un mouvement issu du protestantisme. Donc déjà, il y a un chiasme qui date d'il y a 500 ans. Voilà. Et après, il y a... Tu t'es documenté, ouais. Oui, voilà, tout à fait. Okay. Et donc c'est vrai que dans les deux cas, on retrouve des points communs. Mais je pense que de toute façon, on trouve des points communs dans toutes les religions. Ouais. Ça, c'est vraiment la chose principale qui me vient si en tête. Si on prend les trois grosses religions, les mainstream. Mainstream, pour parler. Voilà. Donc, judaïsme, christianisme et. Donc, en Europe, pour replacer, parce qu'au niveau mondial, c'est pas ça. Tout à fait. Ah oui. Au niveau Afrique aussi. Au niveau mondial, c'est pas ça. On a les bouddhistes qui occupent une place assez importante sur Terre. On a nos amis chinois qui sont. Bouddhistes. Voilà. Nos amis musulmans, et je crois que le catholicisme arrive aujourd'hui en 4e ou 5e position en nombre de pratiquants mondiaux, quelque chose comme ça. Donc, loin d'être. Dans l'idée judéo-chrétienne, on pense toujours que c'est le catholicisme. Non, en Extrême-Orient, on a quand même l'hindouisme. Il y a l'hindouisme, c'est colossal le nombre de personnes qui sont hindouistes. Ah oui, c'est beaucoup, mais c'est seulement en Inde. Mais au niveau mondial, population globale sur 6 milliards d'êtres humains. C'est un petit pays d'un milliard de pays. Non, mais je ne vais pas parler du bouddhisme. Quoi qu'on peut en parler, je connais un peu l'hindouisme, c'est une religion que je ne connais pas du tout. Mais si on prend ces trois religions, entre guillemets, mainstream, qui représentent à elles seules une. La majorité, c'est majoritaire, de toute façon. C'est quand même une clairement majoritaire. C'est extrêmement proche. Et dans ces religions, on a des dérivés protestants, catholiques au niveau des chrétiens. Au niveau Les écrits, il y a les. Tu peux évoquer les écrits. Les écrits sont quasiment les mêmes. Hein. L'Ancien Testament, c'est la base des trois plus grosses, non ? L'Ancien Testament, oui. Alias, tu peux comparer l'Ancien Testament à beaucoup de choses par rapport à la Torah. Disons qu'il faut par quand rapport, même. Il faut quand même. C'est la base, ouais. Il faut quand même rappeler que les musulmans est un dérivé du christianisme, qui est lui-même un dérivé du judaïsme, mais un dérivé peu compliqué. Mais on a des mêmes bases. Mais ça reste, même si c'est pas exactement les mêmes bases, c'est extrêmement on proche. Que... Religion monothéisme. Avec un dieu, donc un dieu unique, un monothéisme, c'est très proche. Mais quand on prend des religions très éloignées, comme peut l'être les religions polythéisme, bouddhiste, par exemple. Comme bouddhiste, ou un truc extrêmement connu. Comment on a pu passer des idoles au monothéisme ? Non, mais alors, attendez, messieurs, rappelez-vous qu'on n'est pas tous des experts ou des voilà, il faut expliquer les termes que vous utilisez malgré tout. Polythéiste, rappeler le croyance à plusieurs dieux. Voilà. Mais non, mais ça paraît tout bête, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent se demander polythéiste. Monothéisme, on ne croit à un seul dieu. voilà, qui a un nom qui va changer, mais on croit à un seul Dieu. On lui donne un nom. Le Tout-Puissant. Allah, Dieu, tout simplement, on ne le nomme pas. Dans les catholiques, dans les chrétiens, on ne le nomme pas, c'est Dieu. C'est pas son nom, c'est, voilà, je crois que c'est Jéhovah. C'est sa définition. Ouais. Mmh. C'est, voilà. Les musulmans lui ont donné ont un nom, mais finalement, c'est Dieu. Pour les juifs, je ne peux pas dire. C'est Jéhovah, je crois, dans les écrits. Voilà. C'est compliqué côté juif, parce que suivant les sectes juives, donc, le mot secte côté juif désigne juste église. Voilà, c'est pas quelque chose. Voilà, voilà, c'est pas connoté négativement. C'est pas connoté. Ouais. Et donc, suivant les. Voilà, il y a X définitions d'être juif. Il y a encore des juifs qui pratiquent aussi l'idolâtrie, c'est-à-dire qui pratiquent aussi le fait d'avoir des idoles. Ça arrive encore. Il y a certains mouvements juifs qui sont comme ça. Il y en a d'autres qui sont dans l'interrogation permanente, dans le pile-poule. Donc, le fait de se poser en permanence la création de l'œuf ou de la poule. voilà, donc ils remettent en cause en permanence un peu tout. Donc, voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Mais moi, l'idée que j'avais au départ, c'était pour faire suite à ce qui avait été dit au départ, c'est comment on a pu passer, en fait, justement, d'idole à une notion beaucoup plus structurée, avec des livres et des écritures. Peut-être ça d'ailleurs la réponse à ma question. C'est l'écriture peut-être. Ouais. Voilà, vers une seule entité. Idole, c'était quoi? C'est toujours quelque chose que j'ai du mal à comprendre. J'ai plus trop de reste de tout ça. Les idoles, ben, c'est le veau d'or, les choses comme ça. Exemple type, quand on était en train de dire, eh ben, on va faire une offrande pour la terre pour qu'il y ait une bonne moisson, on va faire une offrande au ciel pour qu'il y ait de la pluie, on va faire une offrande pour qu'il n'y ait pas le froid cet hiver. Et quand on regarde les religions primitives, donc on va regarder les religions vikings, on va regarder les religions romaines, les religions grecques, on va remonter avant, on peut aller jusqu'à Stonehenge où on s'est rendu compte que c'était du cultuel pour réussir à avoir justement des bonnes récoltes. Et là, c'est le néolithique. C'est orienté sur la nature. Ouais, ouais. C'est orienté toujours vers les cycles. La lune, on peut aller vers les Incas. Comme disait Lou, voilà. Tout ce qui est Gaïa, etc. Bah oui, ça... Gaïa, la mère Terre. Donc, ouais. Du coup, c'est quand même assez surprenant qu'il y ait eu un phénomène de passer de ce polythéisme à ce monothéisme. Et moi, je trouve que c'est peut-être quelque chose d'intéressant à parler, c'est comment on a fait. Comment ça se fait qu'il y ait quelque chose qui ait pris le dessus sur le reste, comme ça, d'un seul coup? Et c'est valable dans énormément de religions. C'est assez étonnant. Alors, on ne peut pas dire que c'est valable dans énormément de religions, c'est valable dans énormément de civilisations, peut-être. Bah, est-ce qu'une religion, si on compte en religion, donc les musulmans, une seule. Alors, on tolère d'avoir des choses à côté, mais il n'y a que Allah, normalement, mais on tolère, ok, comme nous, catholiques, où il y a Dieu, mais il y a aussi des messagers. Alors, côté juif, c'est pareil. Est-ce que l'explication ne serait pas justement dans ce qu'on a évoqué brièvement tout à l'heure, le côté politique? Ou enfin, des racines communes? Non, mais le pouvoir, simplement. Une fois que tu as un pouvoir qui est de telle croyance... Alors après, il intervient le pouvoir. Ça gravite, ça influe sur toute la... très importante qui apparaît dans la religion, c'est qu'à un moment donné... Si le chef de la tribu, il est polythéiste... Il y a des personnes qui se disent étant... qui se disent... Fils d'eux. Représentant ouais. d'eux. Alors, c'est facile. C'est la logique. Ça va être fils d'eux ou bien messager d'eux. Et messager d'eux, on est messager d'une personne. Donc, forcément... On accapare plus facilement le pouvoir s'il n'y a plus qu'une seule entité à représenter. Donc je pense que ça a joué. Non, mais la logique est bonne. Je pense que c'est réellement ce qui s'est passé. C'est que ces chefs de tribu qui étaient aussi, entre guillemets, les ordonnateurs de dire bah voilà, il faut que ça se passe comme ça, que ce soit dans tel ordre, dans telle manière de faire, au fur et à mesure que les écritures ont été inventées, ont essayé de se placer en disant bah c'est moi qui donne les ordres, et de plus en plus en essayant d'imposer une idée commune. Et ce qui a fait qu'en fait, ils ont essayé de décanter à leur propre profit pour contrôler les populations. C'est fort possible, ouais. Que le phénomène était celui-là. De contrôle des masses? Ouais, d'une tentative de contrôler. C'est-à-dire quelque chose qui était totalement libre et qui était totalement personnel. Et il y a eu un obscurantisme qui a fait qu'on a essayé de contrôler. Moi, j'ai envie qu'on revienne sur le côté spirituel. Parce qu'on était très spirituel et j'ai envie de profiter de la présence tout à fait. De Lou, qui avait dit qu'elle partirait de bonne heure. Il faut qu'on en profite tant qu'elle est avec nous. On va rester sur le spirituel, parce que le contrôle des masses, entre nous, on sait qu'on arrivera à en parler. mais le côté spirituel, c'est assez difficile à évoquer quand on n'est pas croyant. Et quand on ne l'a jamais été vraiment, que je m'en souvienne, moi, je ne saurais pas vous dire si j'y ai cru un moment ou un autre. Raconte-nous-en un tout petit peu plus sur... toi, tu as vécu le prisme d'une religion. Qu'est-ce que cette religion apportait comme réponse à tes questionnements à toi? Par exemple, des exemples concrets, parce que nous, déjà, moi, je ne connais pas cette religion-là. Voilà, le peu que je connaisse, c'est ce que j'ai vécu au caté, petit cateau que je suis quand j'étais petit. Mais dans ta religion, dans la religion que tu as eue, hein, dans laquelle tu as gravité un peu, quel type de réponse on t'apportait sur des questionnements fondamentaux comme on a évoqué tout à l'heure? Bah écoute, moi, les questions qui me taraudaient le plus, hein, comme je te l'ai dit, j'ai rencontré la religion à l'entrée de l'adolescence. Donc c'est là que commencent, je pense, les questions existentielles, là où tu te rends compte en fait qu'il n'y a qu'une petite fourmi sur cette planète. Et bah, moi, je me demandais surtout d'où on venait, où est-ce qu'on allait aller, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal. Après, je sais que j'ai eu un certain conditionnement indirect parce que mes parents étaient témoins de Jéhovah avant. On n'arrive pas là-dedans par hasard, à mon avis. Voilà, ouais. Non, pas vraiment. Ouais. Je ne suis pas tout à fait arrivée dedans par hasard, mais après, mes parents ont arrêté un temps. Et puis, un jour, j'ai fait un drôle de cauchemar dont je me souviens encore très bien. Je voyais juste une spirale sur fond blanc, une spirale rouge qui tournait sur elle-même et j'entendais un rire, enfin, tout simplement. Et j'avais posé des questions à ma maman. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi est-ce que j'ai rêvé de ça? Et puis bon, après, elle m'a apporté les réponses qu'elle avait aussi. À disposition, oui. Voilà. Et après, un temps, ça a répondu à mes questions de... oui, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Et puis voilà, après, ça remonte, hein, parce que voilà, ça fait longtemps aussi que j'ai arrêté de fréquenter les témoins de Jéhovah. L'enseignement moral, c'est vrai que l'enseignement moral... Hein. On est bien dans ce que je disais tout à l'heure, hein. Mmh. On apporte une réponse à une question... On comble un vide. Pour combler un vide, que fait préciser PJ, qui rassure. On a une interrogation, on a un doute, et on a une religion qui va toujours apporter une réponse. Alors, on l'accepte ou on n'accepte pas la réponse, parce que dès qu'on gratte un peu, c'est toujours un petit peu la même réponse. Souvenez-vous... Les voies du Seigneur sont impénétrables. Exactement ce que j'allais dire. la réponse fourre-tout, quoi. Je sais pas. J'ai aucune idée. Non. Les voies du Seigneur sont à peine. C'est exactement dans le monde catholique, hein, c'est ça. Hein, dans d'autres religions, ça va être d'autres mots, mais c'est vraiment une réponse qui répond absolument tout. Hein, je veux dire, pourquoi je me suis cogné la tête? Les voies du Seigneur sont impénétrables, mon jeune enfant. C'est vraiment exactement ça. Et dans certains cas, on a des réponses un peu plus Fleuries. On va dire. Ouais, voilà, fleuries. Voilà, mais... là c'est typiquement une réponse de personne qui n'y croit pas. Ouais, mais pour les... Désolé. Ouais, voilà, peut-être, sûrement. Alors, moi-même qui suis athée, peut-être, mais j'ai eu beaucoup de discussions très intéressantes quand j'étais au nord de la France avec un abbé qui était un de mes clients. Et c'est vrai que, comme il me disait souvent, pour lui, la vision, puisqu'il était rentré dans les ordres, est vraiment aller à se retirer, faire une retraite, et être. Donc, il est entré chez les bénédictins, pour être très précis. Ouais. Et il était rentré chez les bénédictins à 22 ans. C'est eux qui font la bière. Alors, ils font beaucoup de travail parce qu'ils partent du principe que leur place est aussi d'être utile et donc de travailler. Donc ils doivent assurer en fait les fonds et le financement de la communauté, de manière à ce que la communauté n'ait pas besoin de faire l'aumône. L'aumône doit être réservé aux gens qui en ont besoin, les gens qui sont pauvres. Voilà. Donc c'est une philosophie. Et qui me disait souvent que la religion, c'était juste d'essayer de, non pas d'influencer les gens, mais d'essayer de planter les graines pour les laisser germer dans le champ de l'inconscient des gens. Voilà comment il résumait les choses. Donc pour lui, c'était de donner une bonne parole, d'avoir une écoute, d'avoir une capacité de réflexion, d'avoir une capacité philosophique. C'était quelqu'un qui était impressionnant au niveau philosophique et au niveau culturel, qui était resté très très connecté au monde moderne, qui informaticien, pour tout dire. Voilà. C'est totalement compatible. Hein, de façon totalement compatible dans son cas, parce qu'il arrivait à le faire avec beaucoup de passion. Mais comme il disait, voilà, il plantait les graines de l'épanouissement personnel ou des débuts de réponse, et c'était aux gens de faire la suite du chemin. Ça c'est pareil, hein, ça reste on apporte une... Donc vraiment une notion philosophique des choses. On apporte c'est une aux gens réponse de qui n'est pas une réponse, c'est après, ouais, voilà. Tout seul. C'est donne une réponse un indice, voilà. Après, voilà. Mais ouais, ça, pour moi c'est la même chose. Alors c'est un peu plus précis que les voies du Seigneur sont impénétrables, mais ça reste une réponse ultime à tout. Ouais, voilà. Mais je pense que c'est ce qui définit une religion, c'est qu'une religion, on l'a dit, c'est un guide et en même temps une interprétation des choses. Ah, tout à fait. Et donc à partir de ce moment-là, mais surtout, une c'est pas cartésien. Donc c'est inverse du cartésianisme. Le cartésianisme, c'est du on off. De la religion, c'est on t'ouvre une porte, il y a quelque chose derrière, ou une fenêtre, tu regardes, tu fais ton choix, ça te plaît pas. Si on parle du cartésien, on peut parler de la science. La science, si apporte une chose... La relation religion-science, bien sûr. On a prévu d'en parler beaucoup plus tard. Ouais, ben je me permets une aparté quand même. Non. La science apporte une réponse précise à quelque chose. Non, je... C'est trop facile. On n'a plus l'arrêter. Monsieur Demange. C'est trop facile. Non, on avait dit qu'on aborderait ce sujet beaucoup plus tard. Nous profitons une nouvelle fois de la présence de Lou dans le studio. Ouais. Bon, elle est avec nous pour parler de la spiritualité dans la religion. Donc, moi, j'ai un petit exemple qui me vient comme ça, que j'ai évoqué avec PJ, je crois. C'est un gars que j'ai entendu, je crois, à la télé. Pour vous dire, les sources de culture et d'information sont impénétrables. Hein, c'est la télé, comme... Voilà, ça arrive. Et il y a un type qui disait, pour lui, la religion, c'est un peu comme le système d'exploitation d'un ordinateur. Et j'ai bien aimé cette image. Moi, j'y vois rien de personnel, parce que j'y crois pas spécialement, mais j'ai bien aimé l'image. C'est un peu comme un système d'exploitation qui permet de tirer le meilleur. Lui disait qu'il n'aurait pas la religion, il ferait n'importe quoi. C'était peut-être un gars, je sais pas, qui était peut-être pas très stable, j'en sais rien. Mais il disait, s'il avait pas la religion, c'est un peu comme un système d'exploitation, il ferait n'importe quoi, et il a l'impression que la religion lui permet de tirer le meilleur de son existence. Vous voyez ce que je veux dire ? De se révéler à lui-même, peut-être. Mais on revient à l'idée de guide de vie, de guide moral. Oui, le Jimmy Cricket qui l'aurait dans l'oreille et qui lui permettrait de ne pas faire de faire la différence du bien et du mal. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que la notion du bien et du mal, c'est vraiment dans toutes les religions et dans toutes les pré-religions. Clairement. Le Baal. Et c'est à croire d'ailleurs que la religion a été créée, et à un moment d'ailleurs, elle a porté ce flambeau et elle s'est trompée d'ailleurs, quelles que soient les religions, hein, on a bien vu les phénomènes avec les croisades, de vouloir faire les oppositions entre bien et mal. De vouloir faire les oppositions entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et à ce moment-là, les religions ont débordé et sont allées vers les guerres et sont allées vers les grandes batailles qu'on a pu avoir dans nos histoires. Et c'était pas sa place, en fait, à la religion de faire ça. C'est qu'elle s'est trompée à ce moment-là. Les sorcières sur les bûchers, ça fait partie aussi. Exactement. C'est-à-dire que quand est-ce que la religion est passée de quelque chose de personnel à un système politique, grosso modo ? Ou à partir du moment où elle a pris les rênes et elle est devenue, parce que c'est là où je fais la différence, c'est que en France, on a notre histoire de France qui est marquée entre Jésus-Christ et puis 1400, grosso modo, où c'est la religion qui nous dirige et qui nous politique. Nos grands ministres sont des cardinaux. Le roi de France est adoubé par les papes. C'est important quand même. Et quand on voit que le roi a commencé à vouloir faire les séparations entre les pouvoirs et la religion, hop, comme par hasard, le roi a voulu nommer son propre pape. On a eu la séquence des papes d'Avignon, où c'était des papes sous contrôle du roi français. Et c'est assez particulier. Le roi avait compris que s'il ne dirigeait pas la religion, il ne pouvait pas diriger le pays. Donc c'est, voilà, la religion est donc devenue un outil politique. Et aussi, je pense à la sécession entre les protestants et les catholiques, qui a eu comme base que la religion catholique avait les moyens, les banques, l'argent, et que les protestants ne supportaient pas ça. Et donc, on protestait, ça vient de là, contre le fait qu'il y ait de l'argent et trop d'argent dans l'Église catholique, qui était donc le système économique de cette époque-là, et on fait sécession pour retourner vers quelque chose de plus pur, c'est-à-dire l'Ancien Testament, pour retourner et créer leur propre vision des choses. Donc on voit que la religion a réussi dans notre histoire pré-moderne à être à la fois un système politique et le prémisse d'un système économique. C'est quand même assez surprenant pour quelque chose qui était au début du fondement quelque chose de personnel. C'est-à-dire qu'on passait du stade personnel au stade de vraiment gestion non plus d'un groupe, mais de toute la population. On s'est perdu, très certainement. On se fait un petit break ? Ouais. Ouais. On va écouter un petit morceau de... Évidemment, je ne sais plus qui. Vous commencez à être habitués, hein, messieurs, dames. On se retrouve dans quelques instants, dans 4 petites minutes, pour parler des religions sur RGM, le débat des hauts. À tout à l'heure. I'm not afraid to oui. Alors, messieurs, nous sommes de nouveau avec nos auditeurs. Ouais, ils sont pas compris que t'appuies, c'était une coïncidence. Alors, tu es à l'antenne. Ah bah faut prévenir. Oui. Oui, tu es de nouveau dans le débat. Bonjour Julien, tu es de nouveau parmi nous. Le débat des hauts. Putain, pour une fois que je lance un jingle, tu me coupes. Voilà, bon. Alors. Non, mais pour une fois que tu lances le jingle, ouais. C'est vrai qu'à chaque fois vous m'engueulez que je ne lance pas les jingles. Mais parce qu'ils sont moches, ces jingles. Bah oui, mais qui la vôtre. Alors, reprenons notre grand thème de la soirée. Les religions. Alors, ouïouïouï. nous étions donc sur l'aspect encore un peu historique. C'est vrai qu'on aime bien, nous, ici, dans le débat des hauts, revenir à un aspect historique de la chose. On était sous le prisme du pouvoir, à nouveau. Hein, on avait tellement aimé ça lors de l'émission sur la politique qu'on remet ça sur les religions. Et on évoquait, du coup, le pouvoir et la religion. Moi, j'aimerais bien qu'on en parle aussi sous le prisme de l'actualité. Est-ce qu'on a encore, aujourd'hui sur Terre, nous, êtres humains, des pays, des États, des nations qui sont encore sous contrôle religieux? Je crois que oui. Mais on ne va pas en citer. Pourquoi? Je peux en citer un qui est assez proche quand même. On peut déjà parler de l'Italie, vu que quand j'ai fait mes études, j'ai côtoyé des Erasmus italiennes. Et forcément, je leur ai posé la question. Et ils ont dit que le Vatican a encore une certaine mainmise dans la part... dans les affaires du pays. L'autorité morale. Ah ouais? Aussi, oui. Ben oui, le Vatican a une autorité morale naturelle vers le peuple et l'État italien. Donc on les a isolés en disant qu'ils avaient leur propre nation, mais en fait, c'est l'Italie, quoi. C'est plus compliqué que ça, c'est que le Vatican avait besoin d'un endroit neutre, comme la Suisse, donc ça a été choisi de faire une cité-État, voilà, historiquement c'est à ça que ça servait, où n'importe quel roi, qu'il soit roi de France ou roi d'Italie, n'avait pas le droit de mettre les pieds sans y être invité, parce que bah voilà, hein, plus d'une fois on a essayé de prendre le contrôle par rapport à ça, et l'Italie était restée très très proche. Et de sa religion, parce que voilà, c'est un berceau culturel. Et par rapport à ça, je crois même que dans la constitution italienne, il y a encore une place par rapport à la religion, alors que nous, on a tout gommé en état très laïque. Là, c'était un truc qu'il faudrait que je vérifie, mais il me semble qu'il y a encore des allusions à la religion catholique dans la constitution italienne. La France, c'est assez unique, hein, en son cas. Ouais. La France est un des rares pays avec un taux de pénétration de la religion très faible. Enfin. Moyennement faible. C'est culturel. Mais enfin. c'est vraiment culturel. C'est arrivé avec la Révolution, hein, clairement. Ouais. Où il y avait des problèmes en France, comme dans beaucoup de pays, qui n'étaient pas forcément la faute du roi d'ailleurs, mais un petit peu quand même. On a eu un paquet de guerres de religion. Hein. Ouais, jusqu'à ici, c'était des zones où entre protestants et catholiques, ça a été quelque chose. En fait, la généalogie, on s'en rend compte. Hein. Et dans la Révolution française, il y a eu un choix de laïcité particulièrement élevé. Et je crois que la France, ça doit être le seul pays à ce niveau-là. Dont la religion et la laïcité. C'est fait dans le sang quand même. La laïcité, c'est pas une religion, messieurs. Eh oh, oh, oh. Non, mais justement, j'essaye de lancer une idée. Non, mais l'athéisme, éventuellement. Ah non. Ah bah si. Par définition, l'athéisme ne peut pas en être. Tu es athée. Donc, tu ne crois pas en Dieu. Alors, donc, il n'y a pas de religion. La laïcité, je suis désolé. Mais la laïcité, c'est pas une religion. Alors, justement, clairement, c'est pas une religion. Je vais exposer jusqu'au bout. C'est juste pour faire un parallèle. Je dis ça parce que la laïcité, dans l'expression française, la manière dont est pensée la laïcité en France, nous mettons tous nos espoirs dans une république. Voilà, voilà. La place a été faite nette pour détruire la religion dans sa place et dans la place qu'elle occupait pour gérer la société. Et donc, on lui a mis à la place, ni plus ni moins, en disant. Comme il y a une place, il y a un grand vide, hop, on va pouvoir imposer quelque chose de nouveau. Et donc, on y a mis donc, la laïcité qui est venue prendre le contrôle pour permettre de placer nos institutions modernes. Mais bon, si on regarde, dans la manière dont ça a été pensé, comme on le dit régulièrement, on est aujourd'hui dans une monarchie démocratique qui a parfois des côtés très religieux dans sa laïcité. Je suis désolé de le dire. C'est-à-dire qu'on a tellement fait le vide qu'on a reconstruit un méli-mélo autour de notre ancienne culture, parce que c'était plus fort que nous. Et la France est un pays, j'aime bien faire ce mélange avec des mots qui ont des racines qui n'ont pas du tout les mêmes origines, c'est peut-être fait pour choquer, mais c'est pratique, on est des ayatollahs de la laïcité. C'est-à-dire qu'on part du principe que la laïcité, c'est le fait qu'il n'y ait aucune religion. Mais la laïcité, c'est le fait qu'il y ait toutes les religions. Donc c'est là où on est dangereux dans notre manière de voir les choses. C'est compliqué. Que c'est très français. Non, en France, la laïcité, il n'y a aucune trace de religion nulle part. Voilà, c'est clair, on efface tout, on prend la gomme et rien, voilà. Du tout. Et c'est pas ça, la définition de laïcité, c'est pas ça. C'est le fait que chacun puisse vivre sa religion en accord avec les autres. Donc il y a quelque chose d'antinomique dans notre manière de le faire. Et voilà, c'est pour ça que je le dis. On a fait une place nette et on a créé. Et la France, c'est le seul pays qui est vraiment comme ça. C'est du coup le seul pays avec un taux de personnes qui croient qui est aussi faible. Mmh. On doit avoir 60% d'agnostics, c'est-à-dire des personnes, ouais, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas, je ne prends pas position. On doit avoir 20-30% de athées et seulement le reste qui est croyant, qui est vraiment croyant. Hein, c'est pas, qui est juste ça reste baptisé. Encore important. Oui, ça reste encore important. C'est le pays où il y en a le moins. Dans tous les autres pays du monde, on trouvera assez facilement au moins 50% de croyants, quelle que soit la religion. Mmh, hein. Tout à fait, oui. Et donc on est une exception, et cette exception est très intéressante, elle prouve qu'on arrive à vivre de la même façon, parce que je pense qu'en France, on n'est pas plus triste, bah voilà, ni plus malheureux qu'un autre pays. Qu'est-ce que ça dit du peuple français, pour vous? Qu'est-ce que ça dit du peuple français, ce taux? Ça a une signification, ça? Si on veut être cartésien, si on veut être concret, ça dit juste que la religion n'est pas nécessaire pour vivre. Parce qu'on y arrive à peu près, je pense, aussi bien en France qu'en Angleterre. On n'est pas plus heureux, on n'est pas plus triste. Alors, il paraît qu'on est particulièrement malheureux en France. Hein. Oui, qu'on est le roi de la dépression et des consommateurs d'antidépressifs. Je crois que mondialement, on est statistiquement le recordman de la consommation d'antidépresseurs. La consommation d'antidépresseurs... Allez, filez tous à l'église. La consommation d'antidépresseurs n'est pas forcément la même chose que d'être dépressif. C'est vrai. C'est peut-être que dans tout pays, ils sont moins dépressifs, ou peut-être que dans moins d'autres pays, ils sont moins médicalisés. On est d'accord. Donc on n'a pas la réponse. Ouais, parce qu'on s'en sert. Peut-être que. Pardon. Qu'on s'en sert mal. Voilà. C'est. Parce qu'on est aussi globalement un des premiers consommateurs européens et de phytosanitaires et de médicaments. Donc je pense que l'aspect de l'antidépresseur n'est pas. Ouais, et puis voilà, je vais parler d'une autre maladie qui est très très courante, notamment chez les enfants, qui est le trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Il y a une étude de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui quantifie à environ 5% de la population, au niveau des enfants, des adultes, c'est un petit peu différent, mais c'est lié, qui sont atteints de ce trouble. Donc, en gros, qui sont hyperactifs. Si on prend les États-Unis, il y a à peu près 10% de personnes qui sont traitées. Et si on prend la France, il y a à peu près 2% qui sont traités. Est-ce qu'il y a moins d'hyperactifs qu'en France, ou France par rapport aux États-Unis? Ou est-ce qu'en France, c'est sous-pris en charge, et aux États-Unis, surévalué? C'est probablement ça. On ne va pas dire que parce qu'il y a plus de religions... Je t'ai perdu, toi. Ah oui, je pense qu'on t'a un peu perdu avec la religion. Non, je vois pas le lien de cause à effet. Juste dire, par rapport au... par rapport au... On t'a perdu. À la dépression. 34 degrés. Non, ouais, aussi. Attends. Par rapport à la dépression, l'utilisation... Que penses-tu de la dernière intervention? Non. Ce que je veux juste dire, c'est que par rapport à la prise de médicaments, on peut pas tirer une conclusion. On est d'accord. Voilà. Après, est-ce que les Français sont plus malheureux que d'autres? Bah, peut-être. Hein. J'ai pas cette impression. Oui, voilà, parce que cette info statistique sur le taux de religionisation française, est-ce qu'elle en dit long sur le peuple français, ou est-ce que c'est juste une variable qu'il faut prendre comme ça? Je pense que ça nous caractérise. Malgré tout, ça nous caractérise. Mais est-ce qu'il faut en être fier? Ben, l'être humain a horreur du vide. Donc, de toute façon, si on leur retire une religion entre guillemets imposée à tout ils le monde, la remplacer par autre chose, on va la remplacer par autre chose. Comme tu disais, par la laïcité, éventuellement. C'est pour ça qu'on serait des ayatollahs, parce que fait de notre déficience religieuse, on va combler ça. Ce vide. Alors, en France particulièrement, mais dans le monde en général. D'où mon lien de cause à effet en disant que la laïcité était une forme de religion. En France en particulier et dans le monde en général, il s'est passé au 19e siècle quelque chose de très important, c'est que la religion a été un petit peu ou plus ou moins beaucoup, on va simplifier la phrase, plus ou moins remplacé par la science. Dans le 19e siècle, et ça s'est continué au 20e siècle, il y a eu une prise du contrôle de la science. La science apportait des réponses. Et je t'ai dit que je voulais qu'on parle de la science dans la dernière demi-heure de l'émission. Tu insistes. Oui, mais tous les chemins mettent à la science. Alors, juste pour nos amis... C'est pas à Rome, justement? Bah, ça c'est pour les croyants. Alors, vu la grande quantité d'auditeurs que nous devons avoir maintenant, je pense à nos auditeurs qui n'ont pas de montre et qui n'ont pas d'heure. Il est 9h. Ouais. Alors nous allons, on va même mettre un le débat des hauts. Voilà, il est 9h sur RGM. On va mettre une petite chanson pour ceux qui ont envie aussi de se reposer les méninges quelques instants, ouvrir les fenêtres du studio pour ventiler. C'est vrai, il fait une chaleur harassante là-dedans. Non mais c'est affreux. Mmh. On se retrouve dans quelques instants. J'ai encore plein de mots-clés qu'il faut qu'on aborde. J'ai les guerres. Mmh. J'ai la laïcité, on vient d'en parler. Bon. J'ai l'espoir, on en a parlé aussi un petit peu au début. Ah, je crois, oui. Ouais, l'espoir. Ouais. J'ai la science. Ouais, bon, c'est vrai qu'on n'était pas loin de pouvoir en parler. Ça. Non, mais on a quoi ? J'ai l'opium du peuple par rapport à ce que Marx disait dans ses écrits. Comment on peut voir ça ? Hein, Marx disait la religion c'est l'opium du peuple. Enfin, comment il faut expliciter ça de façon un peu plus détaillée, un peu plus explicite pour nos auditeurs ? On en parle dans quelques instants. PJ me fait un signe, ça veut dire qu'il veut le à nouveau... débat des hauts. Voilà, il veut à nouveau le jingle. Et on va écouter un petit morceau musical. Je ne sais pas de qui, je ne sais pas de quoi. Je sais juste vous dire que ça dure 4 minutes et 8 secondes. À tout à l'heure. Keep going, you keep going. Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes dans le débat des hauts. Le débat des hauts. J'ai la version un peu plus sophistiquée. Bon, allez. Le débat des hauts. Ça, c'est Radio Gemozo. Il est 21h06, vous êtes sur RGM, je suis toujours avec PJ, Julien D, Julien Demange, bon, on peut le dire parce que tout le monde le sait. Bon, voilà, le président de Radio Gemozo. C'est vrai, c'est l'émission du président. Ah non, c'est l'émission de Julien F. Moi, je suis qu'invité. Hein. Et nous avons comme invité ce soir, Lou. Et c'est très sympa de t'avoir ici, et c'est vrai que... N'hésite pas la prochaine fois, si tu n'as rien à faire, tu peux venir avec nous. C'est... Voilà. Nous, on a besoin de contradicteurs, parce que ces deux-là, ils commencent à être habitués à se renvoyer l'appareil, là, donc il faudrait un peu de sang neuf. C'est qu'on a tendance un petit peu à s'adouber. Ah, je suis entièrement d'accord, de temps en temps. J'y entre fiche. De temps en temps, on se fait un petit commentaire. Non, ce n'était pas 500, c'était 503 après Jésus-Christ, des fois. Mais... Ben oui, parce que vous vous habituez, donc vous êtes moins virulent qu'à la première émission. À la première émission, il y avait un petit peu de contradictions. Ouais, là, il y a de la complaisance. Mieux aussi. Un domaine qu'on vivait beaucoup. Nous étions donc sur les religions. J'ai envie qu'on traite de choses intéressantes sur le vécu de Lou. Hors antenne, tu me disais que tu as, au moment où tu as basculé, enfin, que tu es sorti du monde religieux, ouais. Enfin, tu n'étais pas non plus dans les ordres, hein, rassurons tout le monde. Non, j'ai jamais été baptisée. Voilà. tu m'as dit hors antenne que ce qui a fait que tu as quitté la religion, c'était, redis-moi. Bah, c'était que j'avais besoin de retrouver ma liberté. Comme je le disais un petit peu plus tôt, je parle de la Bible, mais la religion en elle-même, parce que je ne connais pas encore les autres, soit dit en passant, je n'ai jamais lu la Bible en entier. Mmh. Aucune traduction, donc pas non plus la version des Témoins de Jéhovah. J'avais besoin de questions, et puis au bout d'un moment, ces questions sont revenues, les réponses qu'on m'apportait ne me suffisaient plus. Comme le disait PJ, c'est vraiment une question tout à fait, comment dire, personnelle. Et puis, comme je le disais, je suis entrée au début de mon adolescence, et puis après, il y a l'adolescence qui est passée par là, là où on se pose des questions, là où on a envie de faire des choses qui sont proscrites par la religion. On remet clairement en question l'ordre établi pendant l'adolescence. Hein, ouais. Et après, ça dépend, c'est tout un chacun. Il y a des, je connais, je suis encore en contact avec certains témoins de Jéhovah qui ont très bien vécu leur adolescence et voilà, qui avaient les réponses qu'ils avaient besoin et qui se sentaient peut-être bien avec ce cadre. Après, moi, ça ne me suffisait plus, je me sentais plus libre. D'ailleurs, ça a fait que je quitte pas mal de choses, mais on ne va pas trop revenir là-dessus. La danse classique, entre autres, hein, mais ça n'a pas grand-chose à voir. Est-ce que ça avait un lien pour toi avec la religion ? Pas du tout, mais c'est en fait toujours dans l'esprit de la liberté. Ça, c'est propre à moi. J'ai des vraiment... activités qui sont cadrantes. Hein, faut voilà. Être honnête, après, ouais. Voilà, c'est ça. La liberté, c'est ça. C'est que si ça devient une contrainte, brise tes chaînes. Et, hein, enfin, non. Voilà, c'est ça. Non, et voilà. Est-ce que j'accepte cette contrainte pour le... Comment dire, la promesse d'une vie éternelle dans un paradis, machin, bidule, truc chouette, et sortez les violons tellement c'est tout beau, tout parfait. Ou est-ce que, rock'n'roll, quoi, et alors, je vis ma vie pour moi. Bah, c'est peut-être une caractéristique de cette religion-là. Il y en a d'autres qui ont la même caractéristique. Mais... Si tu n'es pas dans la religion, tu n'auras pas le sort qui t'est promis. Ah bah ça, c'est toutes les religions. Je suis pas certain. Vas-y. Je suis pas certain. Certaines sont plus tolérantes. Ah, je pense qu'il y a des religions... voilà, si t'as été un... Bon, j'allais dire si t'es un bon chrétien. Ah non. Ah mais non. Mais, voilà. Clairement, quand t'es pas chrétien, ouais. Tu s'en iras pas au paradis. Tu vas pas au paradis si t'es pas chrétien. Il faut être chrétien. Ah merde. Ah oui, il faut que tu fasses ton chemin. Ah bah, hein. Oh là là. Les bouddhistes, à la limite, je connais pas assez pour être affirmative, mais peut-être une beaucoup plus grande tolérance. Alors, sur une religion assez différente. C'est basé sur le fait du rythme des sept, donc les sept vies que tu vas avoir au fur et à mesure. Et à chaque vie, tu es censé t'améliorer. Donc on part du principe que tu nais, tu as une vie, tu as une existence. Et dans cette existence, tu devras t'améliorer par rapport à la précédente. Mais on ne sait pas si la suivante ou la précédente était dans le même état. Donc pour eux, tu peux être une fois un animal, dans une autre existence une plante, dans une tierce un arbre. Mais est-ce que c'est... Voilà. Tu dois t'améliorer. Est-ce que c'est en échange d'une croyance? Est-ce que si tu crois pas, tu seras forcément réincarné en chaise? Alors le bouddhisme a une différence... plus dans la philosophie de vie que dans la religion. Pour être très très précis. C'est une des rares religions à se trouver dans cet intermède très délicat à définir entre la philosophie de vie et la religion. Le bouddhisme, c'est avant tout, comme c'est réparti sur cette vie, et bah, par définition, on ne sait pas ce que tu as fait dans les autres. D'accord. Le Dalai Lama, avec beaucoup d'humour, qui disait qu'il avait peut-être été catholique dans une précédente vie. S'il avait été... Il ne pourrait pas le savoir. Dans le propos de Lou, il y a un truc qui m'intéresse, c'est le mot « liberté ». Liberté versus religion, que ce soit les témoins de Jéhovah, que ce soit toutes les religions. Toutes les religions. Parce que tout de suite, la liberté de croire, la liberté de ne pas croire, comment on se situe par rapport à ça? Parce que c'est vrai que la religion, elle est forcément, en premier lieu, donneuse de leçons. Elle est donneuse de leçons, elle t'impose des règles, elle t'impose des codes, des lois. On a évoqué hors antenne, là, pendant la pause musicale, le concept même de péché. C'est-à-dire, je pêche, c'est parce que je sors du cadre, je sors de ce qui m'est autorisé, je sors des lois, je sors de ce que la religion me donne comme cadre moral. Comment tu vois ça? À partir du moment où il y a un livre qui est le garant de tout ce qui doit se faire et que de tout ce qui a pu se faire, donc qui contient entre guillemets les vérités avec chacun son interprétation, parce que je rappelle que ce sont des textes la plupart du temps assez poétiques et assez romancés, qui permettent d'avoir une interprétation grosso modo par personne qui va les lire. Et donc à partir du moment où il y a une noblesse entre guillemets, donc des prélats qui sont là pour interpréter ces textes et en dire c'est ça ça ça, la liberté est assez limitée. Ça, c'est clair. À partir du moment où c'est écrit noir sur blanc et qu'il faut respecter ce qui est marqué noir sur blanc, je rappelle qu'on a beaucoup dans les religions la notion de contrat moral. Donc le contrat moral, c'est le fait de respecter ce qui est dit dans la religion. Donc voilà, à partir du moment où c'est marqué noir sur blanc, il n'y a pas à transiger. Donc oui, toutes les religions qui sont basées sur des écrits sont castratrices de liberté. Elles ne laissent et tolèrent que leur liberté. Ou que leur notion de ce qu'est la liberté. J'aurais préféré le terme liberticide, parce que castratrice, tout de suite... Castratrice, pourquoi? Alors, pourquoi j'utilise le mot de castratrice? Parce que, je parle du point, elle ne laisse pas la décision personnelle de savoir si c'est bien ou pas cette notion de liberté qu'on a, qu'on s'est fait personnellement. Elle nous impose leur notion de liberté. C'est différent. C'est-à-dire que on ne peut pas dire j'applique la religion et puis je peux faire tout ce que je veux au niveau de ce que je pense moi, par mon ressenti éducatif, être une liberté. Non, non. Cette notion, elle sera juste pris, voilà, t'as telle étiquette, t'es dans telle religion, et bah c'est ça la liberté, c'est pas autre chose. Donc c'est castrateur, clairement. On te l'impose, ça vient pas de toi. C'est une liberté qui est déjà écrite. C'est pas ta liberté, c'est la liberté de la religion. On dit toujours dans le monde du droit, la liberté, liberté s'arrête là où commence celle des autres. Mais dans le cas de la religion, la liberté, c'est la même pour tout le monde, parce que c'est la liberté de la religion. C'est pas le domaine du droit, c'est Rousseau. Hein. Mais ça a été utilisé dans le la liberté des uns commence là où commence celle des autres. Ça a été repris puisqu'il a été inspiré, tout à fait. Voilà. Mais c'est intéressant cette notion. Parce que la loi divine par rapport à la loi publique, pour toi, c'est ça la différence? Non, c'est le périmètre qui est plus restreint. Non. C'est juste. Tu peux sortir Rousseau, le code du travail, le code civil, etc. Reprends plutôt le point de vue Rousseau qui dit. La liberté s'arrête où là commence celle des autres. C'est-à-dire que tu as le droit de faire du bruit chez toi, mais quand tu commences par faire du bruit chez ton voisin, tu entames sur la liberté de ton voisin. Donc c'est pas répréhensible au niveau religieux de mettre la musique trop fort. C'est exemple. Alors est-ce qu'un de vous trois serait capable de me sortir les sept péchés capitaux? Bien sûr que non. Ça ça avait du cœur. Non mais c'est vrai parce que finalement le cadre que tu dis là, le cadre de la du droit divin, enfin du non mais dit, tu es à côté. La liberté s'arrête là où commence celle des autres, c'est-à-dire que tu as ta liberté de faire ce que tu veux. Ça c'est ta liberté et à un moment donné on n'est pas libre, parce qu'à un moment donné, sa liberté, elle s'arrête quand on va commencer par embêter le voisin. On n'est pas libre d'embêter le voisin, sauf si on considère que lui n'a pas droit à la liberté. Mais si on considère qu'il est égal à nous, il a droit à sa liberté. On a droit à notre liberté, et il y a une frontière entre les deux qui consiste à ne pas embêter le voisin. Dans le cas de la religion, c'est différent. On peut avoir ce concept aussi, hein, mais on a une liberté qui est écrite, dogmatique, ou moins dogmatique, mais qui est décidée par une entité, un représentant d'une entité divine, dans le cas des catholiques. Une interprétation. Oui, voilà. Un prêtre, un représentant de la religion, qui définit une liberté. Et c'est pas parce que t'embêtes le voisin ou pas, c'est pas parce que quelque chose, machin. Non, c'est parce que ça a été décidé comme ça. Peu importe. Et dans la plupart des religions, entre guillemets, mainstream, si t'es pas croyant, t'as pas le droit de ne pas être croyant. Je suis pas totalement d'accord, parce que ça repose sur des écrits. Ça repose sur des lois qui sont énumérées. C'est pour ça que je te donnais l'exemple, malgré tout. Ils ont pas, dans la Bible et dans tous les textes religieux, on ne voit pas écrit noir sur blanc, ta liberté s'arrête là où commencent les autres. Non. Mais néanmoins, les lois sont assez peu nombreuses au final. Alors que ça dépend. Alors que si tu vas regarder du côté du droit français, il y a pléthore de bouquins d'une épaisseur infernale avec des polices de caractère de plus en plus petites pour énumérer les choses que tu n'as pas le droit de faire. Oui, alors, dans le monde du droit, les choses sont précises. C'est-à-dire que, normalement, c'est pas toujours le cas, parce que c'est un peu l'interprétation du juge, mais normalement, quelque chose qui est fait à un instant donné, à un endroit donné, apportera toujours la même réponse. Bah, tu ne mangeras t'as le droit pas ou t'as pas le droit de le faire. Tu ne mangeras pas de porc, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est une sourate. C'est-à-dire que c'est un texte qui a été ajouté après. C'est une réaction au fait, je replace historiquement, que les meilleurs médecins qui existaient vers 1400 étaient les médecins musulmans, qui avaient fait des grandes avancées lorsqu'ils étaient Maroc, Tunisie, Algérie. La médecine était très avancée. Voilà, ouais. Leur médecine était vraiment en avance, la géométrie, les reprises de Pythagore, les mathématiques et compagnie. Et ils se sont rendus compte, en fait, les religieux se sont rendus compte que beaucoup d'expérimentations étaient faites sur des porcs parce qu'on avait fait le parallèle sur les organismes. Le corps du porc et le corps de l'être humain. Donc, pour appliquer une religion comme toute religion, tu vas pas tuer ton confrère ou tu vas pas t'amuser à dépecer un cadavre. Ok, donc du coup, on est parti sur le fait de s'occuper et d'apprendre en médecine en faisant des expériences sur des cadavres de porcs. Et donc, par extension, les religieux, les mouftis, sont partis du principe de dire « Mais si le porc a un corps égal à celui de l'homme, c'est un frère, on va pas manger du porc. » Donc, c'est pas du côté impur. C'est venu après. Version, hein, mais... C'est venu après. Le côté c'est-à-dire que, au tout départ, impur du porc est ouais, venu après. Exactement, ça a été voilà, par constatation et par analogie, c'est venu comme ça. Voilà. Et c'est devenu après un fait. Mais au début, ce n'était pas le cas. Voilà, par analogie. C'est une discrétion. Hein, mais, parce voilà. que c'est vrai que du point de vue profane, comme moi, je pense comme toi, Julien, le côté interdiction du porc dans plusieurs religions mainstream, comme on disait. Ça venait surtout du côté impur. Alors, c'est vrai que j'ai jamais. Ah non, ça, c'est très récent. Ça. Non, ouais. Moi, la version que j'avais, qui est peut-être fausse, qui est peut-être vraie, c'est que le porc mal conservé, c'est une source de comment, de, on va dire, de microbes, et qu'il y a eu, des cas de personnes qui mangeaient du porc. Notamment dans des bateaux, et de grosses. Des intoxications alimentaires. Voilà, intoxications alimentaires. Et ils en sont arrivés à se dire mais le porc, il y a trop d'intoxications alimentaires, il y a quelque chose de dangereux dedans, on ne sait pas quoi, du coup on ne mange rien de la bête. Voilà. Il faut savoir que les musulmans, il y en a un peu plus dans les pays chauds que dans les pays froids de l'Europe du Nord. Et du coup, la conservation du porc, c'est pas forcément évident. Bah, tu peux partir maintenant aussi du principe que c'était quelque chose d'indigène. Donc, par définition, c'est sûr que nous, on est habitués au porc parce que ça revient du sanglier et que dans notre culture de Gaulois, par définition, on est habitués au porc depuis des millénaires. On maîtrise la conservation du porc dans nos pays tempérés. Bien sûr. Oui, et les sangliers ont été amenés par les Romains jusque dans les pays berbères et les pays d'Afrique du Nord. Donc, c'est vrai que c'est un import qui a été fait après. Lou, un commentaire sur le porc ? Je suis végétarienne, voire même plus. Mais d'ailleurs, comment peut-on être plus que végétarien ? Bah, en penchant vers le végétalisme et le véganisme. Ok, alors le véganisme, c'est pas alimentaire par contre. Non, c'est même un choix de vie. Voilà. Aller plus loin. Tout à fait. Ah, ça va plus loin que le. C'est pas que alimentaire ? Non, végétalisme, c'est alimentaire et véganisme, ouais, voilà. Comme je disais, c'est au-delà. Donc tu n'acceptes pas de manger des œufs ? J'en mange encore un petit peu de temps en temps. Donc t'es encore végétarienne. Voilà, t'es entre les deux. Je suis encore végétarienne, mais la majeure partie de mon alimentation est végétalienne, voire végane. Okay. Mais après, je dis pas non de temps en temps à un bon petit œuf à la coque. Mais tu vas pas plus loin. Ça s'arrête à l'œuf. J'ai encore un petit peu de mal à dire non au fromage, mais bon, pour le moment, comme c'est moi qui gère les courses, ça va. Qui mange un œuf ? Mange un œuf, c'est ça. Je voulais l'entendre, celle-là. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam. Bon. Eh, il serait pas temps de refaire une petite pause, parce que on avait dit on faisait une pause toutes les 10 minutes. On a du mal à s'y tenir. On en est très, très loin. On se retrouve dans quelques instants, toujours au même endroit, dans le studio de RGM, dans la ville merveilleuse et adorable de Saint-Étienne-lès-Remiremont. Saint-Étienne-lès-Remiremont, en compagnie de PJ, de Julien, de Lou et de notre ami Elliot qui vient d'arriver dans le studio. Et oui, vous retrouvez à 10h Elliot qui vous fait une petite session musicale, qui va vous présenter des morceaux, des artistes très intéressants. On va essayer de l'enregistrer aussi pour que vous puissiez éventuellement le réécouter en podcast. Et voilà, on se retrouve dans quelques instants après une petite pause musicale. Le débat des hauts. Nous revoici à nouveau dans le studio de RGM pour traiter ensemble. Ah oui, ça, c'est mieux sans le ventilateur. Merci, Julien. Non, moi, je dis c'est mieux avec, mais c'est une question de ressenti. En termes de son, c'est vachement mieux. Nous étions donc... Moi, j'avais envie quand même que Lou essaye de nous donner les 7 péchés capitaux. Parce que c'est, ça serait dommage de s'en passer. Lou... Ah non! Ah, vous avez triché! C'est vrai que vous êtes allé sur Internet pendant la pause! Mais oui, mais puisque je te dis, je les connais pas! Mais non, mais voilà. En fait, on les connaît, c'est juste que c'est redonné le nom, mais c'est, on a tous le nom en tête. Hein. Vas-y. Et il y a la colère. Ah, c'est un péché. Lou a changé de voix. Mais... C'est vrai que moi, genre, passe le téléphone à Lou, je voulais que ça soit Lou qui nous Allez. Présente. Pourquoi? Parce que. Mais parce que c'est sympa, t'es jamais là! Oui, t'as raison, mais bon, en même temps, c'est une première. Donc, il a dit en premier, il y a la colère, qui, soit dit en passant, est une émotion. Mmh. Ensuite, il y a l'avarice, qui est un défaut. Enfin, du moins, moi, je fais des petits parallèles avec la psycho, parce que je suis très branchée psycho, si jamais. Mmh, t'as bien raison, j'approuve. Après, il y a l'envie. non, mais... On avait tendance à oublier ce genre de règles ridicules. Mmh. Mmh. En fait, les premières, c'est les plus ridicules, je crois. Non ? Attends, on n'a pas fini. Attends, le reste arrive. J'ai zilu, moi, avant. Donc... Après, il y a l'orgueil. Oh, ouais. Pourtant, ce n'est pas forcément une mauvaise chose de flatter son ego une fois de temps en temps. Surtout, on est dans une période où on manque sérieusement de confiance en soi. D'où peut-être le lien avec la grosse consommation d'antidépresseurs. Ah, mais c'est clair, c'est clair. Après, il y a la gourmandise, ça... Je n'appelle pas ça un péché, moi j'appelle ça une qualité. Mais j'aime bien cette version augmentée des 7 péchés capitaux, parce qu'au moins, c'est vrai, on se rend compte que point par point, ça, on en est à combien ? Attends, il en reste 2, donc on est 5. C'est une calamité. Donc il reste la paresse, qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein, parfois, ça fait quand du bien. Ben justement, on a besoin de rien faire, on ne fait rien. Quoi. Et enfin, il y a la luxure. Par contre, la luxure... Alors, comment on définit la luxure ? La luxure, c'est aimer le luxe ? Non, je ne sais pas. Ah non, non. Non, ah non. C'est pas cette connotation-là, mais j'attends qu'il y aille. Ça va être glissant comme sujet. Alors, vas-y. Je crois que la seule personne qui sait, c'est PJ. Ah non, moi je sais. Ah bah c'est, vas-y. C'est sur lesquels ? Tu sais pas ? Bah. Ah non, mais t'as pas regardé le film Seven, toi. Vas-y, la luxure. Ah, la luxure, c'est. L'incarnation de la luxure en politique, c'est DSK. Ah, ah. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est mignon, j'aurais pas fait celle-là. C'est mais mignon oui. Et savoureux. Mais... C'est sur les câlins. Ah non, mais définissez clairement. Définissez. C'est quoi la luxure ? Définissez clairement. Alors allez sur Wikipédia si vous n'avez pas de définition précise. Non, définition claire, non, je peux pas trop dire. Mais disons que c'est. On sait que c'est un rapport avec. Pour m'élever un peu, parce que là j'entends que c'est en train de dépasser. Voilà. Qu'allais-je dire ? Quand on reprend la lecture des 7 péchés. On peut aussi faire le lien en disant ça correspond à l'époque à laquelle les religions ont été créées. Chaque péché correspond à une manière de s'assurer qu'il y ait un maintien de cohésion sociale. C'est-à-dire que celui qui est paresseux ne sert pas à la société. Il est un poids. C'est pas bien, mon gars. Parce que les autres vont pas trimer à ta place, faut tout construire. Celui qui est gourmand va manger les réserves alimentaires d'un autre. Il y avait beaucoup de famine. Donc, c'était plutôt mal vu. Et on peut faire le parallèle de chaque péché capitaux permet en fait, si on applique réellement ça, d'éviter d'avoir, entre guillemets, des gens qui soient un poids pour les autres. Alors, dans un modèle de société. Alors, donc ça sert. Mais c'est vrai, ouais. Moi je suis d'accord. À l'origine, ça sert. Clairement, ça sert. Si on prend les 7 péchés capitaux, la colère, c'est l'agressivité. Donc pour maintenir une cohésion sociale, ça peut être pratique. Pas. L'avarice, c'est tu gardes tout pour toi. On est c'est d'accord que dans la notion de partage, on en est très loin. Ouais. L'envie, un peu plus compliqué l'envie, mais l'envie c'est... L'envie dans les sens anciens, c'était le fait de vouloir posséder ce qu'avait l'autre. Ouais. L'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux pourrait être à même de penser pour lui et non plus pour le groupe. Et donc de mettre en danger le groupe. La gourmandise, tu l'as déjà dû. La paresse, tu l'as déjà dit. Mmh. Et la luxure... Comment ? Pardon, on en revient à la luxure, alors PJ. Eh bien, la luxure, ça me paraît évident, c'est que dans un groupe social, quand tu as homme et femme. Pas compris, si tu pars du principe. Ce que c'est. Non, mais si tu pars du principe que n'importe quel homme va avec n'importe quelle femme, tu te mets à avoir un désordre social. Et, surtout à ces époques-là, la notion de filiation. À l'époque-là, mais le sexe n'était utilisé que pour la reproduction. Pour la procréation. Non, mais voilà. La filiation a été cassée. Il était très important à ces époques-là d'être sûr de qui était le père. Parce que le pouvoir se transmettait de père en fils. Donc en interdisant la luxure, on s'assurait, et d'ailleurs c'était malheureusement plus appliqué aux femmes qu'aux hommes, puisque les hommes étaient habitués à avoir plusieurs femmes, mais on s'assurait de maintenir le cap de la société et des groupes sociaux, pour être sûr et certain que le groupe n'aille pas à Uadia, et que ça sa figure. Voilà. C'était vraiment cette idée-là. Je rappelle d'ailleurs qu'au tout début, c'est assez rigolo, mais les prêtres catholiques, avant le 7e siècle, pouvaient se marier, avoir des enfants. Et que ça posait beaucoup de problèmes, parce que même le pape était dans cet état-là, à pouvoir avoir des enfants. Et qu'à un moment dans l'histoire du catholicisme, on a failli passer à une royauté papale, en partant du principe que les enfants du pape pouvaient avoir un droit sur ce trône. Parce qu'à ce moment-là, on a interdit le mariage des curés et des prêtres. Il me semble aussi avoir entendu que si on a interdit aussi le mariage des prêtres, c'était aussi pour que l'argent reste au sein de l'Église et pas qu'il y ait d'héritage en fait. Exactement. Ça avait été aussi relevé, exactement. Ça créait beaucoup de luttes de pouvoir et de luttes de... C'est dire si l'Église s'enrichissait à l'époque. C'était vraiment un système politique dans le sens propre. Alors, sept péchés capitaux de l'islam. Ah, ils les ont aussi. Hein eh ouais. Ils en ont aussi, mais je crois qu'ils diffèrent. Là, oui, c'est pas les mêmes. Il y a... Non, c'est clairement pas les mêmes. Alors, la mécréance. Bah, alors, on ne sait pas ce que c'est. Alors, être un mécréant, c'est quelqu'un d'impoli qui va faire une violence. Le meurtre. Le meurtre. La sorcellerie. La notion de sorcellerie pour l'islam, c'est le djinn, l'esprit. Donc, c'est le fait de croire à autre chose qu'en un dieu unique. On en revient au fait qu'il faut croire dans la religion. Voilà, ouais, c'est un guide. Ouais. L'usure. Un peu de mal à... L'usurpation ou plutôt que l'usure? Écoute, c'est écrit l'usure sur Google. Alors là, celui-là, je ne saurais le dire. Ah, c'est un problème de traduction. Ça vient de Wikipédia. C'est Wikipédia quand même. Ouais. Cite ta source. Hein. Désolé, moi, je n'avais pas prévu qu'on parlait des péchés capitaux. Hein. C'est l'usure, il y a un lien, finance, l'usure désigne l'intérêt d'un prêt à un taux abusif. Ah oui, d'accord, c'est l'usurier qui, en français, on a encore ce mot qui existe encore. Donc le fait de demander exagérément des intérêts à quelqu'un. Donc ce qui veut dire que dans l'islam basique, quand je dis basique, c'est pas que l'islam est basique, c'est qu'à cette époque-là, dans les prémices de l'islam, on partait du principe que la notion d'argent était réelle. Et que la notion d'argent était déjà bien intégrée, puisque ça allait jusqu'au péché. La prise de biens de l'orphelin. On n'a pas d'infos sur l'origine historique de ce document. Hein. On ne sait pas si c'est arrivé tard. Les péchés, c'est un des premiers trucs fixés dans les religions. Ouais, voilà, c'est... Il y a beaucoup de péchés en islam, en fait. Hein. A priori, 70. Donc, ils n'ont repris que 7, parce que je pense qu'il y a une analogie avec Chez les Hébreux, c'est pareil. Voilà, il y en a énormément. Il y a beaucoup plus de règles. Après, c'est lié aux âges des religions qui ont... Voilà, grosso modo, à chaque génération, on rajoute quelque chose. On s'est rendu compte qu'il y avait des débordements. Donc, Chez les Hébraïques, on va traiter pareil. On va appeler ça pareil les péchés capitaux, ou il y a une autre appellation? Le terme capital, il y est pas. Et péché non plus. Je pense que le terme péché est également un terme très chrétien. Hein, oui, je pense. Hein. C'est plutôt les tablettes d'Abraham, quoi, grosso modo. Parce que. Avec le buisson ardent, au niveau... les 12 versets classiques. Voilà. Au niveau de Wikipédia, il y a un terme arabe qui désigne, que je n'arriverai pas à lire. Je ne sais pas si tu y arrives, Lou. Attends. Parce que moi, je vais bouffer le mot. Ah, de Oulkabaïr. Voilà. Magnifique. Ah bah, j'aurais pas réussi, moi. C'est tentative, hein. Oh, je pense que c'est ça qu'est-ce qu'on pense, PJ. Si quelqu'un qui nous écoute sait comment se prononce le mot, n'hésitez pas à appeler au 03 29 62 40 40. Ah oui, c'est les rapports des deux prophètes qui ont été cités. Voilà, c'est le nom d'un des prophètes. Donc, on va revenir à notre sujet, parce qu'on est en train de faire une version augmentée de Wikipédia, là. Oui, donc, c'est vrai que... Sinon, il y a aussi la désertion et la fausse accusation. Oui, donc on voit que c'était vraiment tourné vers le fait de maintenir l'ordre. Non. Fausse accusation de fornication. Ouf. Ah oui, donc de répandre des rumeurs. C'est aussi une des particularités, c'est là où on se rapproche aussi de la notion de vivre ensemble, c'est que dans l'islam, il y a une partie juridique indiquée dans l'islam, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement rendre la loi par rapport à l'islam. C'est une particularité de la religion. Ils vont mentionner aussi des châtiments ou des choses comme ça. Oui, il y a assez de contenu dans le Coran. Pour avoir, en Angleterre d'ailleurs, ça fait partie des tribunaux reconnus pour les affaires courantes, où ils gèrent jusqu'au divorce. Donc il y a assez de lois dans le Coran pour permettre de rendre une justice. assez d'éléments sont indiqués avec des lois, des règles, voilà. Donc c'est très recherché, un guide de vie. Donc c'est assez particulier. Chez les Hébreux c'est pareil, il y en a un, puisqu'on peut avoir un. Il y a, bah, grosso modo, chez les catholiques, ça s'est arrêté pour une raison assez rapide, c'est que vu les excès qu'il y a eu avec l'Inquisition, où on avait essayé justement d'appliquer une justice interne aux catholiques, quand on a vu les excès et jusqu'à quel point ça a pu aller, les terreurs que ça a pu lancer, on a vite fait compris que juste accuser tout le monde de sorcellerie, c'était un peu léger. Mmh. Voilà. Ça jette un froid. Non, ils avaient plutôt chaud à l'époque. Les bûchers tournaient malheureusement. Parce que c'est vrai qu'on pourrait parler un peu plus de ça. Les sorciers, les sorcières, à l'heure d'aujourd'hui, on commence à prendre du recul sur tous ces vieux concepts, mais on peut voir ça comment. C'était qui ces gens-là, réellement? C'était pas comme les fables ou les films nous racontent aujourd'hui, des magiciens ou des... Des survivants du paganisme? Voilà, des gens qui étaient restés en tradition orale à vouloir appliquer ce qu'il y avait avant les religions. Donc voilà, ils étaient encore dans les idoles, toutes les religions celtes en sont très inspirées, aller cuire le gui, faire toutes les jours les plus longs, les jours les plus courts, aussi les cycles de lune, les cycles solaires, les cycles d'alignement de planètes. Voilà, tout ce qui était pré-religieux. À la limite, le jardinier qui revendiquait qu'il plantait tel jour en fonction de la lune, mais c'est ça. Aurait été sur le bûcher. À l'époque, il aurait été un sorcier. Alors que voilà, c'est des savoirs très anciens qui ont été éradiqués par les religions, il faut le dire, très clairement, et qui reviennent, alors en force peut-être, ou qui essayent de revivre. Alors, beaucoup de choses anciennes ont été accaprées par la religion. Si on absorbées, oui. Tout bêtement, Noël, ah, ça oui, reste Noël, une fête ouais. Païenne, le plus... Saturnal, là. Ouais, le plus long, la plus longue nuit de l'année, et donc le jour où ça arrive, c'est que les jours vont commencer à se rallonger. C'était très fort dans la religion, dans les peuples, et Alors Noël, c'est la commémoration de l'Yggdrasil. L'Yggdrasil dans les religions nordiques, c'est l'arbre de vie. C'est la traduction littérale. Et donc l'Yggdrasil, c'était le fait de brûler un arbre pour le jour, en effet, qui était le plus court de l'année, pour permettre de faire revenir les fées et d'assurer la prospérité pour l'année qui allait venir. Voilà. On essayait de... Alors, une version un peu plus précise. Voilà. C'est l'Yggdrasil. Moi, ce que j'aime bien dans ce savoir, dans cette connaissance païenne, qui a été annihilée par la religion, c'est le dernier thème qu'on doit aborder ce soir. C'est la relation entre les sciences... Et le fait religieux et la croyance religieuse. C'est vrai que on en vient à ça. Là, comme on disait, le jardinier qui va surveiller la lune, qui va étudier ça. Il y avait sans doute avant religion, comme tu disais, des cultivateurs qui avaient conscience de ces choses-là par l'expérience. Typiquement par le fait scientifique, par la déduction scientifique, on établit pas mal de choses scientifiques et qui allaient à contresens de ce qui après a été dicté par les voies du Seigneur impénétrables, plus tard avec les religions. Quoi. Donc c'est quoi ce qui fait qu'une religion n'aime pas la science? Dans le fond, la religion n'aime pas la science. La religion... Je peux te rappeler plein de scientifiques qui se sont fait huer par les religieux pendant des années. Là, il faut laisser PJ, parce que PJ boue, là. Mais il boue, mais il faut qu'on écoute une chanson avant. Voilà. Allez, à tout de suite, PJ. Cut through. Do you miss me too? talk a lot of shit for someone that can't talk. And you send it back to my face, love. You never pull punches and never will stop. I hope you never do, babe. No one ever might do it a thousand times. Just let me close to you. Cause in the dead of night, with you by my side, there's no cold that could cut through. Do you miss me too? Wish you were in my room. I just can't shake this off. C'est reparti pour le débat des hauts. Le débat des hauts. Ça, c'est Radio Gemozo. Alors on est toujours ensemble. Oh, quelle transition. Et quelle transition. On se professionnalise là. Le jingle à la... Mais je suis toujours sur les acquis de la première émission. Voilà. Bon, il faut qu'on retravaille ça, mais c'est vrai que ça prend du temps. Faire des jingles, c'est facilement une journée de bouffée. Que disions-nous ? Donc, nous sommes toujours en compagnie de PJ, en compagnie de Julien et de Lou, ce soir pour la grande émission du débat des hauts sur les religions. Et nous étions en train de partir sur la direction qui nous plaît le plus, nous autres scientifiques. On parle maintenant de la relation qu'entretient depuis des années la religion, les religions et la science. C'est un sujet qui intéresse depuis le début de l'émission Julien Demange, qui a essayé de nous le caser 20 fois. Donc maintenant, c'est ton heure. Non, mais voilà. Disais, la religion apporte des réponses. C'est ça la base de la religion. J'en suis convaincu. Ça apporte des réponses à des questions et ça apporte donc l'espoir, puisqu'on a des doutes. Qu'est-ce qui va se passer après la mort, classiquement? Pourquoi le soleil se lève? Tout ça, tout ça. Et la science apporte d'autres réponses sur un mode structuré. Et parfois, tellement en opposition. La Terre est plate. C'est tellement évident hein, quand c'était, on y c'était habite. L'exemple qui me venait tout de suite. Ouais, ouais, non, voilà, mais c'est vraiment l'exemple simple. La Terre est plate. Hérétique. C'est le centre de toute chose. Et sauf que quand on commence par planter un poteau, on se rend compte qu'on n'a pas forcément la même ombre selon l'endroit où on se trouve. Et puis finalement, il y a plein d'explications très carré, très scientifique, pour parler simplement, mais qui répondent à une procédure dans sa façon d'être établie. C'est la méthode, oui. Très méthodologique, où on ne donne pas une réponse parce qu'on a envie, c'est voilà, on s'assure que c'est clairement vrai. Et à la fin, on a le résultat, on est satisfait quand on arrive à avoir une loi, c'est-à-dire une formule mathématique qui va être universelle. On trouve une exception, on considère qu'on a fait une erreur, il faut recommencer pour trouver une nouvelle loi qui répondra à cette exception. Pour une exception, on doit le faire. Ce qui n'est pas du tout le cas de la religion. Et à un moment donné, bah, la science, elle avance, elle progresse, elle trouve des nouvelles réponses. Elle se remet en cause et se contredit parfois. Voilà. Et la Terre est ronde. Mince. Alors, ça met à bas tous certains concepts de religion. Donc on parle de la Terre. Ça explose. Et finalement, mais il n'y a pas de doute parce que... on plante un pied de 2 mètres à un endroit, à telle heure de la journée, et selon l'endroit, on a une différence. Cette différence, on arrive à la formaliser, à l'écrire dans une formule mathématique, et à chaque fois qu'on va tester un nouvel endroit, c'est toujours vrai. Il n'y a jamais d'exception, parce qu'on a trouvé la bonne formule. La bonne formule, c'est juste que la Terre, elle fait 40 000 mètres de périphérie. 40 000 km, pardon. De périphérie. Et à partir du moment où on a cet élément, on arrive à déduire la taille de la Terre. Là, tout correspond. Juste un truc, c'est que ça casse la religion. Alors, bah, soit on se remet en question, ce que fait la science, soit on le fait moins facilement quand on est dans la religion, et rapidement on rentre en conflit. Et c'est source de bien des problèmes depuis bien longtemps. Une particularité, c'est qu'au XIXe siècle, dans l'esprit de la plupart des gens, la science apportait de meilleures réponses que la religion. C'est un changement important, c'est le siècle de l'industrialisation. Avant, bah, la science, quand elle ne savait pas, elle disait « on ne sait pas encore ». La religion ne sait jamais, ne dit jamais ça. La religion, elle va dire « les voies du Seigneur sont impénétrables ». Ce qui veut dire « on ne sait pas finalement hein, », mais c'est une façon détournée. La science dit « ah non, ça, on a une théorie, on pense que c'est comme ça ». Et on tu situes ça où ? Fin 18e, début 19e ? Globalement, le 19e siècle... La médecine, Pasteur, tout ça, quelle année, Pasteur ? Ouais, voilà, beaucoup de choses, vraiment, au 19e siècle, il y a eu beaucoup de choses qui fait que la science apportait vraiment beaucoup, ouais. beaucoup de réponses. Au 19e siècle, la science apportait des réponses à presque tout. On savait pour le soleil, on savait pour la lune, on savait pour l'eau. Et puis la vitesse à laquelle on apprenait, c'est-à-dire qu'il y avait tous les mois une nouvelle découverte scientifique hyper importante qui permettait de remettre en cause encore un nouveau dogme pour nous de l'Église. Mais après, je pense qu'il ne faut peut-être pas autant opposer science et religion, parce que je rappelle que je donnais l'exemple tout à l'heure, donc pour les musulmans, de tout ce qui était mathématiques, tout ce qui était pharmacie, tout ce qui était médecine, où ils étaient très en avance alors qu'ils étaient dans l'application de leur religion. Nous, catholiques, et encore aujourd'hui, pendant longtemps, l'Église a financé les recherches astronomiques. Il ne faut pas l'oublier. Tout ce qui était recherche des étoiles, des planètes et compagnie pour savoir ce qu'il y avait autour de nous. Je rappelle aussi qu'à travers les rois et reines d'Europe, l'Église a financé l'exploration du Nouveau Monde et des autres mondes, a financé les routes commerciales. Donc, c'est pas bâtardement l'Église qui a interdit. Par contre, par intérêt. Voilà, je pense que c'est ça en fait, la seule notion qu'il y a. L'Église a souvent été un grand appareil d'intérêt, où lorsqu'il y avait un intérêt partisan, financier, influençable, enfin d'influence, il n'y avait pas de souci, on finançait. Moi, je serais très très curieux et très heureux dans ma vie si un jour je pouvais accéder aux archives secrètes du Vatican, qui sont les nouvelles archives perdues d'Égypte, je ne sais plus le nom d'Alexandrie. D'Alexandrie, oui. Ouais. Voilà, qui en sont totalement comparables et qui sont une somme de connaissances immenses sur plein de sujets qui ont été étudiés lors des siècles. Et voilà. Qu'éventuellement, l'ordre religieux a caché et étouffé parce que au moment où ça avait été découvert, ça n'était pas du tout en adéquation avec le dogme appliqué à l'époque. Les dogmes ont évolué dans le temps. On n'applique plus le même catholicisme qu'en 600 après Jésus-Christ ou en 1200. La religion est censée maîtriser la connaissance, c'est ça ? C'est un antagonisme de dire que les dogmes ont évolué, hein, parce que par essence, les dogmes sont des choses qui ne sont pas censées évoluer. Mais oui, mais c'est tout le souci des églises. Exactement. Ils n'avaient pas le choix, sinon ils auraient été balayés. Et ce qui a fait que les religions sont restées, c'est qu'elles ont su s'adapter. Et c'est ça qui est assez, assez perturbant, c'est que, et là ça va dans l'idée liberticide qu'on avait tout à l'heure, c'est que la liberté de la consultation et de la connaissance scientifique a été bridée par la volonté de l'Église de le laisser faire ou pas. Je pense que c'est très bien ce que tu dis, la religion aurait été balayée si elle ne s'était pas adaptée. Et je pense que c'est pour ça que le catholicisme a vraiment baissé au 19e siècle, parce que je parlais de religion, en réalité c'était plutôt le catholicisme. Que j'avais en tête. C'est pas faux pour le reste, mais on est quand même plutôt dans l'exemple du catholicisme. Et le catholicisme a pris vraiment un coup parce qu'il a eu vraiment du mal à s'adapter. Là où, en fait, si on parle d'il y a 500, ou il y a 1000 ans, ou il y a 1500 ans, bon, il y a plutôt 1000 ans parce que l'islam est un peu plus récente comme religion, donc elle a commencé il y a un peu plus de 1000 ans. C'est aussi pour ça. Elle est plus moderne. Elle était plus moderne à cette époque-là parce qu'elle était plus moderne quand elle a été créée. Elle a réussi à être beaucoup plus en corrélation avec les sciences de l'époque. Et elle a mieux passé le temps, notamment du 19e siècle, parce qu'elle était moins en opposition avec la... Avec les sciences. Avec les sciences, ce qui n'était pas le cas du catholicisme. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Malheureusement. Le catholisme a plutôt évolué, voilà. Et c'est plutôt l'islam qui est en retrait aujourd'hui. Voilà. En fait, on a l'impression que l'islam, elle a une espèce de vision à la science ou vision à la société. De défiance. Tel que le catholicisme l'avait il y a 100 ou 200 ans. C'est des questions de période, de vague. J'en discutais encore avec des amis musulmans et c'est ça. Malheureusement, il y a un Moyen-Âge qui est en train de se mettre en place dans l'évolution de la culture musulmane. Parce que mise est confrontée aux sciences, mise est confrontée à la société moderne et au mondialisme. Et voilà, ça demande des changements culturels, des changements dogmatiques, de nouvelles interprétations et inventer un peu un demain. Et c'est difficile, c'est très très difficile. C'est une question de dogme pour les croyants concernés. Donc le catholicisme a énormément eu de mal, mais on a pu aujourd'hui on a moins de personnes qui ont à remettre en question leur dogme dans le catholicisme parce que ça a déjà été fait. Il y a eu un épurement, je pense. Il y a eu un épurement du nombre de fidèles. Donc les fidèles qui restent acceptent peut-être plus facilement le fait qu'il n'y ait pas eu autant d'évolution que ce que le monde a. Très certainement que des religions, on pourra l'aborder avant d'avoir fini l'émission, mais c'est ça, on peut peut-être après essayer de préfigurer ou d'essayer de penser ce que ça veut dire. Non, mais c'est pour ça. Moi, j'allais rester sur l'aspect contemporain de remise en question de la science. Tu vois qu'aujourd'hui, on a une recrudescence des contradicteurs contre la science. Quand tu vois des gens aux États-Unis qui remettent en cause qu'ils ont réussi à dire que la Terre, finalement, on nous a menti. Elle est peut-être plate. Mais on a entendu ça il y a quelques mois avec la recrudescence des nationalistes radicaux. Quand t'entends Trump qui dit qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, ça fait peur. Pareil. Bon, là-dessus, il peut y avoir débat. J'accepterais qu'il y ait débat là-dessus. Mais sur des choses scientifiquement validées depuis 300 ans, on ne peut pas autoriser quelqu'un à émettre ils appellent ça de la fake news, mais ça, c'est encore plus puant que ça. C'est vraiment de la désinformation. C'est essayer de convaincre les gens qu'il faut se transformer tous en Amish. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment dégradant pour la pensée humaine. Enfin, ça, c'est un avis personnel. Mais moi, je partage. Ouais. Non, mais ça fait peur. Mais la science aujourd'hui n'apporte plus de nouvelles réponses régulièrement. La science, elle évolue toujours aussi vite. Mais maintenant, quand on parle de l'évolution de la science, on va parler de la relativité. C'est pas évident à comprendre. Quantique. C'est tellement compliqué à appréhender. Les derniers problèmes fondamentaux sont d'une complexité infinie. Là, ce qui nous reste. Qui dépasse la science, mais bon. On parle du boson du boson de Higgs. Le boson de Higgs, on en a parlé. On fera une soirée d'un physique. Point de vue de la science. Non, mais d'un point de vue de la science, la découverte du boson de Higgs, c'est juste une énorme chose. Pour super simplifier, le boson de Higgs, c'est ce qui génère la matière ou la masse. Pour simplifier. Donc c'est quand même toute l'existence de l'univers. C'est surtout ce qui va valider le modèle standard qu'on a depuis presque un siècle. Et justement, il ne se valide pas. C'est là le problème. Le fait d'avoir complété le tableau de famille. Alors, le tableau de famille est complété, mais le problème, c'est que dans les propriétés qu'on lui a découvert, et là, on fait une parenthèse. Il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Et voilà. Ouais. Et donc, du coup, on se rend compte que toutes nos données sont fausses. Où est-ce qu'on s'est trompé ? Faut recommencer. C'est ça qui est merveilleux avec la science. C'est ce qui est beau avec la science. Ouais. Mais finalement, tout ça pour dire que pour la personne qui a du mal à manger, qui a du mal à se lever, qui a du mal à travailler, qui a du mal à... Le boson de Higgs, je crois qu'ils en foutent. Voilà, ça apporte plus de nouvelles réponses. Alors qu'au 19e siècle, la science, elle apportait des réponses concrètes au quotidien, à court terme, à moyen terme. Alors que là, le boson de Higgs, ça ne va pas permettre rapidement de résoudre la famine dans le monde, quoi. Alors justement, j'insiste un peu pour ces 5 dernières minutes, mais qu'est-ce qui va arriver à ces religions ? Qu'est-ce qui va se passer dans cette société moderne où on est dilué ? Qu'en penses-tu ? Qu'en penses-tu ? Que va-t-il arriver aux religions ? Voilà. Eh bien, j'ai oublié le nom du philosophe qui disait ça, j'ai un doute, c'est peut-être Platon, mais quand on n'a pas la preuve de quelque chose, il faut pouvoir faire acte de foi, et je pense que de nos jours, la science a quand même bien montré qu'il est possible de vivre sans croire en un dieu. Donc je pense que si les gens continuent de croire, c'est qu'ils ont besoin de croire. Après, y a encore des questions qui restent sans réponse. Donc où est-ce qu'on va aller ? Ça, la science elle-même n'a toujours pas réussi à trancher. Laisse-moi finir de parler, j'ai presque pas parlé ce soir. Non, mais c'est important d'avoir le point de vue de la spiritualité. Là oui, encore. Enfin, la spiritualité, s'il te plaît. Nous, ce soir, est la spirituelle de l'équipe. Oh là là, je suis pas sûre que tu t'adresses à la bonne personne. Mais non, en fait, si les gens continuent de croire, c'est qu'ils ont besoin de croire, comme tu le disais en début d'émission. C'est une nécessité. Ça continue à leur apporter de l'espoir, à leur apporter des questions, des réponses, pardon, à leurs questions, bon, qui peuvent peut-être en amener d'autres. Alors, ça répond pas à toutes les questions, et après, en fonction des gens, alors où les gens acceptent les réponses qu'ils ont, où ils vont chercher ailleurs, comme moi, ça a été mon cas, en fait. Moi, je me suis posé des questions qui m'ont mené ailleurs, etc. Mais je pense que les religions continueront encore d'exister un temps, parce que je pense que l'humanité a encore besoin d'y croire. Je pense aussi, oui. Quand nous aurons de la robotique avec des intelligences artificielles, est-ce que la religion aura encore une place? Est-ce qu'il y aura un dieu robot? Oui, mais il y a une grande différence entre la science et la religion. Deus ex machina. Il y a une grande différence entre la science et la religion. La science apporte des réponses. Les réponses qui sont les bonnes, entre guillemets. La religion apporte des réponses qui réconfortent. Ce n'est pas le cas de la science. Par exemple, la principale question qu'on se pose dans la religion, c'est après la mort. La science, elle n'a toujours pas de réponse réconfortante de qu'est-ce qu'il y a après elle la mort. Elle n'a pas de réponse réconfortante, mais elle a une réponse. Hein. Si tu veux, je te la donne. Je vais casser un mythe. Mais c'est pas réconfortant. On n'a pas envie d'entendre la réponse de la science pour la mort. C'est assez macabre. Mais disons que le jour où l'homme serait immortel, si ça arrive, la religion... PJ va nous en parler. Non, mais je peux poser une question, ou en tout cas peut-être encore lancer quelque chose qui peut paraître un peu farfelu, mais ça peut poser des questions. C'est que je pense personnellement que la religion du futur, la religion de nos enfants, de nos petits-enfants, ce sera la mondialisation. C'est-à-dire que de la même manière que la laïcité a créé un vide et que nous sommes devenus et avons pris cette religion de la laïcité, je pense que dans le futur, ce qui restera dans les ruines de notre monde où on sera tous en train d'avoir la même vie du nord au sud et de l'est à l'ouest, ce sera la mondialisation. Et que ce sera le dieu argent et le dieu mondialisation qui prendra la place du reste, malheureusement. Parce que il remplira nos ventres, il remplira nos têtes. Il remplira nos désirs, il remplira nos volontés, et puis il sera notre guide, parce que si t'as pas d'argent, t'es pas dedans. Alors, je suis d'accord, s'il arrive à remplir nos têtes. Il arrive bien, et de manière insidieuse quand même. Mais alors est-ce qu'il va nous remplir correctement la tête? La qualité, ou est-ce qu'il va nous... Je l'ai pas pris en compte. Où est-ce qu'on va être... Non, mais où est-ce qu'on va être abreuvé de commerce et de merchandising, hein? Ah, mais la réponse est claire. Ça va pas aller vers la qualité. Ça va pas aller vers l'évolution philosophique de la qualité de l'être humain. Ça va aller vers quelque chose. Le maître du temps me fait signe. On va arrêter cette émission. Il n'a pas la taille pourtant. On va laisser l'antenne à Elliot. J'ai juste un dernier morceau à passer. Je veux le passer parce que je connais le titre et le groupe. Alors c'est pour ça, on n'a pas le choix. Donc là, je vais vous passer un groupe scandinave de jazz qui est merveilleux. C'est Rohei. Et ils ont fait une chanson merveilleuse. Enfin voilà, je vous laisse juger. Et on se quitte. On se retrouve donc, je crois que c'est le 23, c'est ça? Il faudrait qu'on retrouve. Ah, je vais vous retrouver ça. On va quand même donner la date de notre prochain rendez-vous pour ceux qui aiment nous retrouver autour de cette table, de cette radio. Notre prochain rendez-vous, c'est le 23. C'est ça, 23. C'est le 23, 20h. Vous nous retrouverez à nouveau. PJ, Julien, peut-être Lou, si elle passe par là et qu'elle a envie de s'arrêter. Avec grand plaisir. Ah, je serai plus en vacances. Tu seras plus en vacances? Ah ouais, donc je serai là. Ah, ben voilà. Non, mais tu seras peut-être pas là de 20h à 10h. Qui sait? Qui sait? Ça dépendra du sujet. Dans quelques instants, vous retrouverez sur RGM Elliot pour sa première vraie émission. Bon, il y avait une première tentative, mais on ne l'avait pas trop entendu. Donc là, ça va être sa vraie première. Quant à moi, je vous dis donc à bientôt, le 23. On se retrouve et je vous laisse avec Rohei, groupe de jazz scandinave. Au revoir. Au revoir.